Cette cité est gangrénée par le crime et les luttes de pouvoir. Alors que la pègre et les hommes politiques véreux ne cessent d'étendre leur pouvoir, certains essayent de faire leur place et d'améliorer leur quotidien dans une ville où la cruauté et la violence règnent en maître. Ce n'est pas chose aisée, et nombreux sont ceux qui finissent trois pieds sous terre ou en prison pour les plus chanceux. Sans oublier, bien sûr, la bête, l'ombre de Gotham, qui fait trembler même les plus puissants. Mythe ou réalité, nul ne sait. Serez-vous assez fou pour y entrer ? Bienvenue à Gotham. La réunion de la Camarilla était un moment important, le début de la phase 2 du plan de Johnny Frost. Les mafieux effrayés par le Redwood Gang, le retour d'une Falcon en ville et la promesse terrifiante qu'un jour ou l'autre un monstre s'enfuirait de l'asile d'Arkham ont eu raison, au moins temporairement, des rivalités douteuses et du communautarisme vicieux de certains. La drogue de Frost, la Candy Cane, est lentement mais sûrement distribuée en ville. Et lorsque le business aura rapporté assez, le moment de tordre le cou au grand baron du crime aura sonné, votre tremplin vers la gloire et la richesse. Alors que vous êtes encore non loin du fameux restaurant servant de point de rencontre aux instigateurs du complot, alors que vous regardez tous interloqués les très nombreux messages laissés par Martia, pourtant censée être morte, un homme douteux vous rentre dedans, s'excusant sans même vous regarder et filant au loin. Soudain, se répand une vive douleur à travers votre corps. Vous rejoignez vite la contrée des rêves agités, à demi-conscient, d'une descente aux enfers. Et vous pouvez réapparaître. Ok. Très bien. On va attendre qu'il soit de retour, Monsieur Idel. Surtout qu'il a coupé son casque, c'est bon. Oui, c'est bien. Il y a bien ce qu'on va faire, non ? Très bien. Ah oui, peut-être très bien. Vas-y. Ah oui. Donc, tous, peu à peu, vous commencez à reprendre conscience. Vous n'avez pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé entre le moment où vous avez été poussé dans la rue ou peu importe où vous étiez. Vous commencez à vous réveiller et autour de vous, vous vous rendez vite compte que vous êtes dans une grande pièce circulaire, vraiment très sale. Peut-être un truc relié aux égouts ou juste dans un bâtiment qui est complètement abandonné. Oh. D'accord. Et seconde chose que vous remarquez, c'est qu'il n'y a pas de porte ni quoi que ce soit. D'accord. C'est une boîte ? C'est circulaire. Et troisième chose que vous remarquez, avec votre groupe habituel, se trouve deux personnes. Il se trouve une personne, donc, Hilal, je te laisse te décrire physiquement, même s'il y a l'image, mais disons ton gabarit, ce genre de choses. Je suis plutôt taille moyenne, j'ai le crâne totalement dégarni avec quelques taches de naissance un peu disparaîtes. Puis j'ai un visage avec pas mal de cicatrices qui ont l'air d'être assez vieilles, enfin, je suis pas très beau à voir et à regarder. J'ai une belle barbe blanche avec une petite moustache et sinon pas grand chose d'autre. Si je porte une espèce de pull de métal, enfin avec un symbole de métalleux au dos, voilà. Très bien. Et la seconde personne, donc, qui n'est pas habituelle du groupe qui est ici, certains d'entre vous le reconnaîtront, d'autres non. C'est une personne de couleur noire qui est habillée avec des loques, vraiment de ce genre de. Enfin, des habits de SDF. D'ailleurs, il a l'odeur qui va avec. Dès que vous vous réveillez, vous sentez l'odeur qui va avec. Et ceux qui le connaissent reconnaîtront Sirius, Oh, trop bien. l'homme qui vous avait guidé dans les égouts et ce genre de choses la dernière fois que vous aviez eu une mission de groupe pas au complet. Ah oui, ce mec était génial. Quand je vois, j'ai un petit frisson dans le dos parce que je me rappelle ce qui s'est passé la dernière fois qu'on s'est vu. Très bien. Donc il y a vraiment que vous dans cette pièce, donc. Et est-ce qu'on est attaché? On peut Alors circuler? vous êtes complètement libre de vos mouvements et enfin, j'imagine que certains ont le réflexe de toucher leur poche et ce genre de choses pour vérifier s'ils ont ce qu'il faut. Ouais, carrément. Ouais, Et vous avez. Non, tu n'as pas tes chiens parce que bah, tout simplement tu les avais pas non plus amenés au rendez-vous d'avant. Ok. Où tu étais avant de te faire endormir. Ok. Et donc vous avez toutes vos affaires, mis à part bien entendu ce qui permet d'avoir contact avec le monde extérieur. Oh. On a du réseau ou pas? Bah, vous n'avez pas de quoi avoir contact avec le monde extérieur, donc pas de téléphone Oui, ni non, rien. mais j'avais compris l'inverse. Et est-ce que D'accord. quand on regarde les autres, quand on regarde les autres, on sent que genre on est tout groggy ou quand je regarde les autres, est-ce que je vois qu'ils sont un peu groggy, qu'ils se remettent Ouais, vous êtes bien groggy et quand vous les yeux un peu rouges, tu vois ce genre de choses. Et est-ce que Sirius, il est dans le même état que nous ou pas du tout? Sirius a toujours été un peu dans cet état, mais oui, Ouais, on mais dirait. est-ce que. Ouais, voilà, est-ce qu'il a subi la même chose ou alors est-ce qu'il est là et qu'il attend qu'on se réveille, un truc dans le genre, tu vois? Non, il est dans le même état que vous. Bah, moi je me lève et je vais, enfin, même s'il n'y a pas de coin, je me dirige vers un mur et je fais. Oh putain, il est qui vous? Putain, merde. Qu'est-ce qu'on fout là? Je bouge pas, j'essaie de Et rester je lâche un juron dans une langue incompréhensible. Très bien. Du coup, moi je dis Sirius. Sirius. Tu vois donc cette espèce de SDF noir secoue la tête. Pendant que tu l'appelles, il te regarde, il fait Ah quoi, qu'est-ce que. Vous êtes qui, vous déjà? On se connaît, Est-ce que non? tu... Vous Ouais, êtes. on s'est vu quand on est parti à la dans la dans le train. C'est avec le Si ça baron. te parle. Ah putain, vous êtes méchant avec le baron, merde, je le savais, je me suis peut-être piégé. Ah, quoi? Quand on a livré un colis tous ensemble pour le baron. Oh! Puis, Pécio? Quoi? Hein? Non, vous transitez pas par une boutique ou je sais pas. Non, On je vois l'a pas fait de une quoi tu seule fois. parles. On a fait un seul truc pour un. Non, on a juste donné un collier à des gens et puis. Putain, vous m'avez fait peur. Un coup d'un soir, si je puis dire. Et donc Sirius, dis-moi, tu saurais pas où on est là? Vu que je sais que tu connais un peu les dessous de Gotham, est-ce que tu sais où on est là? Bah donc. Il essaie de regarder autour de lui, il fait. Je sais pas, ça a l'air plus propre que chez moi. Est-ce que j'ai mes armes, moi? Ah oui, vous avez toutes vos affaires. Mis à part les téléphones et tout ça. À de base, j'en ai pas de téléphone. Très bien, bah, tu n'as rien perdu. Du coup, je veux voir. Je vais aux nouvelles de William parce qu'il parle pas beaucoup. Ça va, William? Ouais. Plutôt abasourdi, je t'avouerai. Ouais. On est tous Vous un parlez petit avec un peu. mec que je connais même pas, donc tout va bien. Ouais, il s'appelle Sirius, c'est un des gars. Tu sais, on a fait une mission pour Baron. un mec pendant que vous étiez pas là, et ce gars-là, en fait, il nous a guidés. C'est lui qui nous a guidés pendant la mission. C'est un bon. Et entendant que vous parlez lui, simplement, il s'approche de toi, William, ce fameux. Et il te tend sa main avec la moitié des doigts qui n'ont plus d'ongles. Et il te dit « Enchanté, je m'appelle Sirius, je connais Gotham ou Skiatsu comme ma poche. Et je suis gentil, je vous promets, mis à part si vous avez trop d'argent, je voudrais bien vous en prendre un peu, mais sinon, il n'y a pas de problème. » Voilà, du coup je dis William, si t'as pas de problème de avec l'odeur, les odeurs un peu trop fortes, ça ira avec lui. Alors, pour info, vous ne me voyez pas du tout bouger, je reste au sol. Bah du coup moi je vais te voir. Je claque des doigts devant ton visage. Tu me vois à peine réagir. Eh oh. Oui moi, mais ça... t'inquiète pas. Ça va? Je suis en train de te poquer l'épaule de façon insistante. Oui, alors, c'est bon, coup, je viens. Est-ce que c'est possible de faire un check-up de la pièce, voir si on n'y a pas quelque chose qu'on puisse voir ou quoi. Très bien. Donc, pour ceux qui s'intéressent un peu plus à la pièce et pas seulement à rester allongé ou ce genre de choses, vous pouvez faire un petit jet d'observation. Et envoyer le résultat en écrit parce que vous êtes un peu nombreux. Observation, c'est dans la colonne physique. Ah oui. Attends, je peux te okay. Eh ben, ça commence bien. Raté. Ah bah bravo. L'observation, hein, t'as dit. C'est pas répétitif. Bon, je préfère les faire maintenant. Que putain. Observation, oui. C'est dans... Hilal. Ok. Tu disais quoi, Hilal? Non, je demandais si c'était bien observation. Observation, ouais, oui, observation. Première colonne, si tu veux, et... au milieu quasiment de la première colonne. Ah bah ça passe. D'un. Ah, magnifique. Je suis le seul à réussir, ça veut dire. Non, il y a William aussi. William a réussi. William, il est discret, mais il a les yeux partout. Moi, j'ai pas fait le jet. Donc. Bah, William n'est pas gêné par le fait de discuter avec Sirius parce qu'il le connaît pas, donc il n'est pas concentré sur lui. Dès qu'il s'est réveillé, il regardait les murs pour sortir. C'est ça. Oh putain, il y a un clochard dans les murs. En plus, il parlait avec. Bon. Donc, William et Hilal, vous regardez les murs. Bien entendu, Thompson et Pat aussi s'intéressent aux murs, mais... ouais, ben, y a Sirius qui leur tourne autour, qui essaie de leur demander ce qu'ils ont fait depuis, ce genre de choses. S'ils ont vu des mille pattes géants et ce genre de conneries. Bah, bon, du coup, ça les gêne un peu, mais vous deux, William et Hilal, vous vous rendez vite compte que sur certains pans de cette pièce circulaire, il y a l'air d'avoir des plaques de métal, en fait, genre comme s'il y avait des couloirs de l'autre côté et qu'il y avait des plaques de métal qui avaient été posées dessus. Pour sceller. Comment ça? Pour sceller. Oui, pour sceller. Et il faut que j'augmente ton son parce que. Ah, ouais, ta voix est carrément basse. Un peu loin du micro, je voulais juste me rapprocher, ça devrait suffire. Voilà. Très bien. Donc, oui, pour sceller, et vous remarquez que ces flaques de métal sont liées à un petit mécanisme qui permet à ces flaques de métal de coulisser vers le haut ou vers le bas. Oh, je me demande si on pourrait l'utiliser. Mais ce mécanisme n'a pas d'enclenchement de là où vous êtes, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, y'a pas de bouton, y'a pas de manivelle, y'a rien. Y'a moins une putain de fosse, quoi. Y'a quoi au-dessus de nos têtes? Au-dessus de vos têtes, il y a tout simplement un plafond. D'accord. C'est fou quand même. Un plafond. J'ai une grande grille avec des gens qui allaient nous regarder, nous faire avancer par un mot, quelque chose comme ça. Y'a une plaque en verre et on se observait depuis 5 minutes. Ne pas nourrir les animaux, merci. Non, il y a un plafond. Ah, il y a un plafond, mais qui goûte beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de gouttes qui vous tombent dessus, et sûrement que vous avez été réveillé par ces gouttes. Oh putain, ça c'est pas bon ça. Non, pas ça, pas ça. Que quelqu'un une source. Enfin, je sais qu'on se connaît pas, mais. Bon, on va en faire les présentations plus tard, non? Non? Attends. Disons que pour l'instant, je pense que. À part si quelqu'un a des talents de prestigitateur pour sortir de là, on est un peu bloqué. Déjà, il nous faut une source de lumière, merde. Après, peut-être que quelqu'un viendra nous voir à un moment donné. Je sais pas. Est-ce qu'on a encore mon briquet? Oui, vous avez toujours les briquets. William, pour ta question. Je vais te demander un jet en artisanat. Ah, génial. J'ai 5% de chance de réussir. C'est fou. Je peux l'aider, moi. Allez, vas-y. Oui, disons que... Bon, j'imagine que tu appelles à l'aide ou un truc comme ça pour qu'il t'aide. Je prends une photo. Je prends une photo. Oh, attends, il a fait 1 ou 4 ou 3, un truc comme ça. STG, fallait pas spoiler. Il a fait 100. Non, mais si il prend une photo, c'est qu'il y a forcément un truc comme ça. Il fallait laisser le suspense. Bon, bah, le suspense. Ah, il a fait 6. Enfin, en même temps tu mets le dé sur le chiffre et tu prends la photo, c'est fait. Ça sert à rien, même. Hein. Ça prouve que dalle. Pas la photo. Ok, 4 sur 5. Ok, ouais. Eh bien, en observant ça et en essayant de faire jouer tes doigts pour voir un peu mieux ce genre de choses, tu vois que, en effet, il y a moyen d'actionner la chose, si ce n'est qu'il faudra sûrement une force un peu plus brute que la tienne. Ah. Ou de quoi faire levier. Bat. Oui. Donc, Pat, tu fais quelque chose, c'est ça? Bah, moi, je vais le voir. Enfin, s'il te met au courant, parce qu'a priori, bon. Bah, il a pas parlé. Il est en train de galérer sur la porte, qui rentre dessus. Non. Oui, j'imagine que tu remarques qu'il est en train de galérer et essayer de faire un truc. Et donc tu remarques en effet que William est en train d'essayer de jouer avec le mécanisme. Bon, je vais aller. Très bien. Donc si William veut bien te laisser. T'as besoin de quoi là? J'ai aucune raison de garder le secret. Hein. Ouais, oui. Non, je veux mourir dans cette boîte. Mais c'est moi qui veux mourir. Eh bien, je vais te demander à Monsieur Pat un jet de dextérité suivi d'un jet de force. C'est tous les deux des D20. Oh. Mon score magnifique en dextérité, ça va être compliqué. Je peux tenter, j'ai des bons scores. Ça passe. 3 en dex. 3 sur 8. Et force. 19. D'accord. Ok. C'est là où il est le meilleur et c'est là où il se plante, quoi. Franchement. Donc, du coup, tu arrives à positionner tes doigts, à prendre les engrenages, à mettre tes doigts là où il faut aux engrenages où William t'indique où les mettre. Et bah, t'essayes de forcer juste comme ça, t'essayes de tirer, peut-être même avec tes bras entiers, mais le problème c'est que c'est beaucoup trop huileux, quelqu'un y a mis du cambouis ou ce genre de choses, et en fait tu glisses complètement. Et bah, du coup, moi je les regarde et je dis écoutez les gars, s'il y a des serrures à ouvrir, c'est à moi qu'il faut demander. Hein, c'est un peu mon métier. Donc si mais vous non, voulez, mais... je m'en occupe. Il suffit de pitcher bon, dessus, il y a moins de grâce. Vous savez un petit peu que c'est un peu mon boulot d'ouvrir les portes. Bon bah j'y... Très bien. Thompson, tu veux te mettre au boulot, c'est ça? Bah oui, parce que s'il faut ouvrir la porte, je m'en occupe, quoi. Du coup, faut que je fasse la même chose bon. Que lui. Ben, toi, ayant des connaissances un peu mieux dans ce genre de choses, je vais te demander un géant. Alors attends, parce que là ça coupe à chaque fois. Ouais, t'as coupé. Serrurier. Un jet de serrurier. Serrurerie, tout ça, ouais, ce genre de choses. On peut réussir en serrurerie. Alors, Siri. Serrurier, oui, c'est là. C'est. Ok. Bon, bah, on y va. Pour l'instant, j'ai pas été verni dans les dés, donc on va voir. Hein. 41. Ça passe. 41, très bien. Et donc, pour les autres, vous n'avez pas fait le même jet, simplement parce que vous n'avez pas les mêmes connaissances que lui, c'est tout. Moi, j'en ai pas fait, tout simplement. Oui. Et donc, tout simplement, tu joues de ton talent, et t'arrives à faire jouer le mécanisme, et t'arrives à enclencher l'ouverture de cette petite plaque de métal, enfin, cette petite plaque, de la plaque de métal. Mmh. Et peu à peu, tu l'as fait monter, jusqu'à que ça dévoile, tout simplement, des barreaux. Ah, donc en gros, j'ai réussi à enlever un truc pour voir qu'il y a derrière, il y a des barreaux. Voilà. Oui, derrière, vous voyez qu'il y a un long couloir, mais il y a des barreaux. Ça se force des barreaux aussi, ça. On va oui. Se tâcher de là. On n'a pas de titane. Ouais, si on crache dessus tous ensemble, à un moment, ça va rouiller. Je me lève. Titane, je sais pas si ça va rouiller, mais... Bah du coup, donc là, en fait, en gros, c'est on voit juste des barreaux ou on peut se déplacer vers les barreaux. On peut se déplacer vers. Non, les barreaux sont directement après la plaque. Ah oui, donc en gros, c'est. Bah, vraiment, écoute, moi, j'aimerais genre juste vérifier. Est-ce que c'est genre les barreaux, les bons gros barreaux bien neufs, bien solides, ou est-ce que c'est les barreaux qui ont pris un peu les années, tout ça. Ça bien, je vais te demander un jet d'observation ainsi que 22 qui lui veut voir plus loin dans le couloir. Ouais, je veux savoir à quoi ressemble le couloir. Ça se trouve, je peux connaître. Oui, il y a deux secondes, il était affalé, il parlait pas et maintenant il veut voir le couloir. Bah, j'ai rien dit en fait. Putain, depuis tout à l'heure, j'ai rien dit. Ah. Non, c'est pas vrai. Échec 76 sur 50. C'est ça la vérité. Non, trop tard. Non. D'accord. Bon, ben 22, toi t'essayes de regarder un peu au loin, mais. T'es vraiment encore trop dans les vapes ou... Ok, bah je me repose. Tout ce que tu vois, arrête, c'est juste un couloir sombre. Arrête la drogue, 22, je t'ai déjà dit. Arrête, c'est pas pour ça. Tandis que toi, William, tu t'attardes sur les barreaux. Oui. Et ces barreaux ont l'air d'avoir été sûrement autrefois des barreaux bien solides. Ah. Mais ceux-ci ont des morceaux bien rouillés. Il y a des endroits où vous voyez que des gens ont déjà commencé à les limer. Ouais, je reste en mode. Je ne parle peu parce qu'il faut être efficace sur sa mission et que je suis drogué. Du coup, je siffle en mode. J'indique du doigt, vous avez vu les frères. Et bah, tu dis, hé hey, Pat, c'est pour toi ça, biche-toi. Allez, frappe les barreaux. Allez, patate de forain. Patate de forain dans les barreaux, biche-toi. Mais attends, en plus, on a nos objets de base. Ouais. Personne a un truc un peu limant, coupant, un truc comme ça. Personne se contente de ses ongles dans moi sa vie. J'ai un chien. Attendez. Moi, j'avais juste un kit de Vous entendez que ce chien inconnu qui est avec vous veut parler. Bonjour. Ouais, non, mais j'ai un couteau suisse. Oui. J'ai une ligaron, j'imagine, dessus, un truc du genre. Oui. Bah, normalement, un couteau suisse, c'est même mieux qu'une ligaron, c'est genre une âme. J'ai une machette. Quoi? Oui, t'as la. Ton couteau suisse est un couteau suisse de bricolage en plus, avec la bonne grosse lime. C'est bien, viens. J'ai une pince pour saisir intégrée dans mon couteau suisse. On a gardé nos armes derrière ou pas? Oui. Oui, mais ta machette, elle va pas être utile, mon ami. Au moins, si ta lame, après, je dis pas ça. Tu vas la voilà. Défoncer, ta lame. Donc, Hilal, pendant que tu sors ton couteau suisse, tu vois que tu es soudainement très accepté dans ce groupe. Oh, on est amis depuis tant d'années. Ouais, ça bien fait longtemps, faudra qu'on aille boire une bière, un de ces quatre. Eh mais du coup, c'est un jour, bah écoute, moi je propose de l'aider parce que sans l'équipement de base, bah, normalement j'ai mon petit canif. Et tu peux vérifier sur ma fiche, ça a toujours été écrit que j'avais un petit canif sur moi parce que je viens des quartiers de. C'est Gotham d'un côté. Du coup, bah genre je lui propose, genre tu sais, je l'aide un peu, alors, genre s'occupe de mon côté, je m'occupe de côté du bord, Accessoirement, si ça peut servir, parce que j'ai pas eu le temps de le dire, j'ai un pied de biche sur moi. Bah... À tout moment. Attends. Non mais c'est dans ma fiche. J'ai un pied de biche dans ma fiche. Je le dis. Hein. Mais pourquoi tu te bats jamais avec? Parce qu'un couteau de guerre c'est mieux. Puis c'est plus mal. Je préfère un couteau de combat. Passer tous les jours dans ton costard ou? Mais non parce qu'en fait j'ai un sac à dos. Ouais, machette, la cachou. Non par contre en vrai là du coup enfin genre je repasse sérieux mais du coup je sais pas ce qui est le plus intéressant entre limé et bon bah le pied de biche je pense que c'est plus intéressant un pied de biche sur des barreaux rouillés qu'une bon, après quand on voit le plan du mec à le pied de biche donc je suis pas sûr qu'on avance. Je suis désolé mais après je sais pas ils sont collés au mur ça dépend. Est-ce que t'as moyen de les déloger parce que c'est si jamais ils sont là les barreaux. Personne, je réfléchis. Et là, mon cerveau devrait dire, grâce au MJ, qu'est-ce qui serait le plus intelligent selon mon personnage, bien entendu, selon ses connaissances. Je suis pas non plus au bout de présent. Eh bien, selon tes connaissances et en observant les barreaux, qui, je précise, sont juste des barreaux, c'est-à-dire qu'ils sont pas reliés à une structure en acier qui fait le tour de l'endroit de l'ouverture. C'est genre vraiment, il y a eu le barreau et ça a été cimenté autour. Quoi. Mmh. Ça pour chaque barreau. Et tu penses, en regardant l'état de tout le ciment et tout ça qu'il y a autour, que il y a peut-être de quoi en retirer un ou deux avec le pied de biche. Bon, et ben monsieur le voleur, faites votre travail. Désolé monsieur Ilan, on n'est plus de temps à mixer ça à la bière pour rien. Du coup, je confie mon pied de biche à Pat, puisqu'il a plus de force que moi, et je dis allez, tiens, fais-toi plaisir. C'est un mec à 80. C'est le mur. Bah, je le prends des mains. Non mais. On se connaît pas. Si tu prends une arme comme ça d'un coup, tu as 5 mecs qui tombent dessus pour sûr. De toute façon, je me dirige vers Pat et je lui tends mon pied de biche. Oh bah ok, j'ai pas dit que je prenais. D'ailleurs Sato, Sirius il fait quoi? Y'a pas. Sirius, lui il est au centre de la pièce. J'ai coupé. Il est au centre de la pièce et il regarde le plafond, Sirius. Ah. Voilà. Bon, alors, Pat. Bon bah puisque je peux servir à rien, bah moi je vais aller parler avec lui. D'accord, très bien. Alors, bah, eh bien, pendant que Ila elle discute sérieux, je vais demander à Pat de faire un jet de force. Let's go. Et donc, Ila, qu'est-ce que tu vas dire à Sirius? Bah, ça va, mon gars. You man. Tu vois que il est debout comme ça et il regarde le plafond. Vraiment, genre, le truc, le mec, il le fait depuis un petit moment, t'as l'impression qu'il va avoir un torticolis pour la semaine qui suit. Et il tourne lentement le regard vers toi, de manière très saccadée, hein, petit mouvement par petit mouvement. C'est un robot. Et il te dit, je crois qu'on a été avalé par un Léviathan. Mais non, mon frère. C'est une divination divine. T'es sérieux, Pat? Eh ben, oui. Ah, eh ben, il fallait laisser. Bon bah je reprends mon pied de biche et je dis ça, s'il faut qu'on se débrouille tout seul maintenant. D'accord, eh bien tout simplement, bon je continue la discussion après avec toi, hein, Ilal. Mais Pat, tu mets ton pied de biche, enfin tu mets le pied de biche de Thompson et t'appuies, sauf que tout ce qu'on arrive à faire c'est à glisser sur le sol humide. Et tu tombes au sol quoi, avec le pied de biche qui... Ah c'est quand même un 19, attendez 2 minutes. Oh non, il va pas passer de l'autre côté, mon pied de biche. Hein. Ah. Et le pied de biche passe de l'autre côté. Oh non, putain. Et, oh bah tiens, tout d'un coup, je suis pas redevenu votre ami. Et la bière, oh alors. Non. Ah mais c'était un jet de force. Oui, c'était oui, force. C'était un dé de force. D'accord, oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi c'était sur 20. Bon, bah je recommence avec mon tonfa alors. Oui, du coup, bah, on retourne à notre plan d'initiative. Moi, je vous propose de l'aider à scier, écoute. Hein. Bah non, mais il a un tonfa, t'as un tonfa. Il a ah un oui tonfa. C'est quoi un tonfa? C'est quoi, ouais? Tu sais, c'est les matraques de la police, là. C'est mais ça. Pourquoi vous avez mais, ça sur mais... un grand arrêt? Pourquoi vous avez des putains de bazookas? Mais what? Mais comment tu veux l'utiliser pour tes boîtes? Non, mais vas-y, laisse-le, il va encore passer le truc à côté. Non, mais vas-y. Allez, je vais réussir cette fois-ci. Allez, continue à me faire un petit jet pendant que Hilal continue à discuter avec Sirius. Oui, du coup, je disais. Mais non, frère, ce n'est point une position divine. Allah est miséricordieux. Miséricordieux. Tu vois qu'il te regarde et il fait. Non, désolé, je crois pas à ce genre de. Ah, ça bugue. Ah, désolé, je crois pas à ce genre de conneries. Le gars croit au démon, mais il croit pas au. Ah non, il a fait de la merde. Putain, le fils pendant deux secondes et. On est mangé par des Léviathans. Mais non, tu sais, Dieu, je crois pas en Dieu. Léviathan, c'est beaucoup plus logique. Laisse-moi tout seul. Bon, Pat, il en est où ce dé là? J'ai fait 20. T'as fait combien? 17. Allez, deux, le passe pas de l'autre côté là. Il passe pas de l'autre côté là. Bon, du coup, t'essayes encore avec ton fa. Et bon, tu manques encore de glisser. Sauf que tu te rattrapes au barreau cette fois. Donc, tu sais pas. Tu et sais le pas barreau mal. Tombe. Je vois tellement les méchants arriver. Tu sais, ils arrivent, ils voient tous nos armes passer de l'autre côté des barreaux. Ils nous regardent, quoi. Pourquoi? On verra jamais. Bon, et tout simplement, tonton Fa ne passe pas de l'autre côté. Est-ce que je peux essayer moi? Mais t'as juste glissé. Je demande à Pat, genre, ça dérange pas que j'essaye, mais enfin, moi je force doucement, genre juste voir si j'arrive à tenir le truc. Voilà, ça c'est un petit test, tu vois, je mets pas toute ma force. Mais, D'accord, allez, vas-y, fais-moi un jet de force. Bah si Pat est d'accord, c'est son ton Fa. Allez, s'il veut. Ah, mais je vais même l'aider s'il veut. Allez. Non mais allez. Très bien. Bah si vous vous aidez, faites tous les deux un jet de force. Oui. Ouais, j'ai pas pris le même dé ce coup-ci. Bah voilà. 8. Non mais toi tu l'aides là pour l'instant. 8. William. Ah, il est mort. Non, excuse-moi parce qu'on parle en même temps à côté. Moi j'ai fait 8 sur 9. Ça passe. Très bien. Alors il nous Alors simplement, ce qui se passe, c'est que William, tu prends ton fa, tu le ranges bien, tu le places bien pour pouvoir appuyer. T'appuies un coup, enfin t'essayes d'appuyer pour voir si t'arrives à tenir l'effort. Et Pat, il arrive et il t'aide et ça fait un clou et t'as la barre qui te tombe à tes pieds. C'est l'heure de faire des relations nouveaux. Il y a le petit avec regard. Avec une grosse batte. Parfaitement fort tous les deux. En fait, il se place derrière William, se coller là, contre toi, t'es dans ton dos, et il pose ses mains sur tes mains, et vous tous les deux. Je vous tire tellement une balle dans la nuque. Quoi? Et là, tu sens une source de chaleur dans dans le bas de ton dos. Tu as pris la lampe torche, Pat. On a vraiment un regret dans le groupe ou... Non, alors gardez les fanfics pour plus tard. Mais... Ok. T'inquiète pas, ce n'était pas que mon chier. Écoute... À la fin du scénario, on en parle, d'accord. Yeah. On en parlera. Je voilà, suppose que du coup, vu qu'on en est parti, on peut tenter un deuxième pour faire de la fanfic. En effet, vous pouvez. Il est chaud. Ah non, mais... Et si vous suivez la même stratégie, je vous demande encore à tous les deux un jet de force. Allez, le petit dévin, sois gentil. Oh non. Oh là là, il est gentil. Ah putain, ce soir, je suis chanceux. Je suis souvent chanceux dans Gotham. Tu vois, Batman, il me porte chance. Tu vas voir, ça fait exactement comme l'ancienne campagne, le plus gros jet, le plus important qui va me sauver la vie, je vais le rater. Bon bah là, encore une fois... Putain, mais on est trop fort qu'on est à deux. Votre fusion marche. C'est ça. Bah du coup, vous remettez encore... vous mettez encore ça. Sur une le barreau, le second barreau part. Je précise que c'était des barreaux qui étaient plutôt serrés, avec deux en moins, quelqu'un de plutôt... Enfin, de pas trop gros pourrait passer. Bon, on en fait un troisième parce que je suis gros, moi. Bon, moi, je pousse les gens. Franchement, je pousse les gens et je pars tout devant. Ok. Ou, on peut quand même en enlever un autre pendant que l'autre il se barre, parce que moi je suis gros. Mais c'est pas là. Moi je pense que je mettrai la musique de Ghost pendant la session. Oh mais oui. Quoi? Bon, bon la, du la coup. Scène, la, bon la, bah si personne la scène, nous propose. La scène de poterie là. On continue. Et d'ailleurs, il y a un inconnu qui vient de partir, mais comment? Alors, stop, on se calme. Donc, Hilal, toi, donc du coup, tu pousses les gens, tu essayes de passer entre les deux barreaux, et tu t'arrêtes rapidement en regardant devant toi. Oh. Car tu es le premier à le voir, mais les autres s'en rendent rapidement compte. Au fond du couloir, il y a à présent une lueur, et tu vois que cette lueur, c'est une lampe. Pas une lampe électrique, on dirait une lampe à huile. Qui est tenu par un espèce de vieillard habillé en loc qui approche vers vous. Il est vieux, ça passe. Depuis le fond de l'arme. Recule. Sirius, il y a ton frère qui arrive. Je dégaine mon arme. Et ouais. Je recule. Il a le qui tient pas. Je la manche et j'avance et je fais. Salut. Il est con. Attendez, silence s'il vous plaît pour Hilal. Oui. Vous savez ce qu'on fait enfermé dans cette putain de merde de salle? Tu vois, quand tu lui adresses cette parole, pendant que William derrière toi te fait « Recule! Recule, putain !» le vieillard s'arrête en plein milieu du couloir et il a pas l'air de... Il a, tu vois sur ses lèvres qu'il est sûrement en train de parler, mais sûrement beaucoup trop bas. Ne t'approche pas. Bon bah, je me rapproche. D'accord. Donc bah tu te rapproches, tu te rapproches, tu fais quelques... Tu te rapproches comment? Genre tu fais quelques pas ou tu... Là je suis prêt à dégainer et... Mais ouais, je me rapproche. D'accord, juste quelques pas ou tu vas vraiment direct vers lui quoi? Bah pour être... pour qu'il soit audible. D'accord, donc tu t'approches. À une distance que tu juges assez respectable. Mmh. Et tu vois que ses lèvres bougent toujours, mais tu n'entends toujours rien. Alors, soit il se fout de ta gueule et il parle pas, soit il est en train de murmurer. Oui. Plus fort, s'il te plaît, j'entends rien. Fais gaffe, il va invoquer que tu oublies. D'accord. Tu vois que il avance de deux pas. Et tu remarques, grâce à la lumière de sa lampe, qu'il vient de rentrer dans une autre pièce circulaire. Quoi ? C'est-à-dire qu'il y avait le couloir, mais c'était dans l'obscurité, quoi. Donc, genre, t'avais ta vision, il y avait une grande zone de noir, et il y avait sa zone à lui. Donc, en gros, le couloir, c'était pas un couloir. C'est ça. Et en se rapprochant, tu vois que sa partie de couloir était elle-même avant une autre pièce circulaire, dans laquelle il vient de rentrer. Qu'est-ce qu'on fout là, merde ? C'est une autre pièce circulaire. Et il continue toujours à bouger les... Est-ce que je peux faire un jeu en culture de... Bon, bah, cette fois-ci, je me rapproche vraiment, et puis je l'attrape. Enfin, bon, non, je vais peut-être pas le toucher, je vais faire... Hey, s'il vous plaît ! C'est-à-dire que tu rentres dans la pièce circulaire avec lui ? Bah oui. Très bien. Donc, tu rentres dans la pièce circulaire en faisant... Enfin, en gueulant ton... Hey, s'il vous plaît, vous parlez, oui ou merde ? Et tout simplement, tu vois que il te regarde avec des yeux vraiment genre comme si tu venais de sortir de l'ombre, comme s'il t'avait pas vu. Et il te regarde droit dans les yeux avec ses grands yeux. Vraiment, c'est le type, il a des yeux vraiment beaucoup trop gros pour être normal. Et tu vois que son visage se tord rapidement dans un sourire moqueur. Bon, alors, j'aime pas ce qu'on se fout de ma gueule, donc maintenant tu vas me dire où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fout là, parce que sinon je vais commencer à m'énerver. D'accord, tu vois qu'il fait un pas en arrière, et tu entends autour de toi qu'il y a d'autres pas qui se font. Ok, je recule tout de suite, je fais la roulade sur le côté là, je vais t'habiller. Nous alors, on referme les barreaux pas pour qu'il meure et pour qu'on s'en sorte. Oh, mais en fait, c'est bien la prison, moi. Donc, c'est genre tu fais un bond en arrière quoi pour rentrer dans ton couloir. Ah oui, oui, oui, carrément. D'accord, donc tu fais un rapide bond en arrière et fais-moi un jet de chance s'il te plaît. Putain alors. Pendant ce temps, les autres. C'est un des 20, merde. Oui, c'est un des 20. Les autres dans votre pièce. Je vais juste demander à William un jet de culture gothamite. Oui, monsieur, je m'améliore de session en session. Ah oui. Allez, j'ai 18% de chance. Ah, j'ai pas le droit, moi. Non, seulement lui, mais vous comprendrez après. Ok. Allez, allez. Attends, je prie, là. Les dés sont de mon côté jusqu'à maintenant. Si jamais c'était mortel, je le rate. ça fait 18 sur 18. 18 sur 18 ? Ouais, genre. Très bien. Eh bien, il se trouve que, en voyant ces lampes, ce vieillard et ce genre de choses, ça te rappelle une petite histoire qui se racontait à Gotham, de manière naturelle. Et les autres, à qui je n'ai pas fait faire un jet, vous la connaissez aussi, tout simplement parce que Sirius lui-même, vous l'avez raconté la dernière fois que vous l'avez, que vous l'avez rencontré. Ah, d'accord. Cette histoire de personnes qui se baladent dans les souterrains de Gotham avec des lampes pour attirer les gens, les junkies, les SDF et tout ça. Et qu'une fois qu'ils se sont rapprochés, ils se rendaient compte que c'était tout un groupe. Un peu à la manière des poissons dans les abysses qui ont une petite lumière et après tu te retrouves dans la gueule de la bestiole. Je l'avais raconté en effet, je m'en souviens. Effectivement, bon, on a perdu le nouveau, génial. Fermez les barreaux. Non, ouais, bon, je m'en rappelle, je lui gueule. Ah non, mais vraiment, on ferme les barreaux. Qu'est-ce que non, tu non, disais, non, non, en vrai, c'est... enfin, je sais pas, si on peut encore le sauver. Ouais, ouais. Moi, clairement, je lui dis de revenir. Je lui crie, reviens. D'accord. Mais non, la merde, Billy. It's a trap. Très bien. Donc, Hilal, toi, au moment où tu fais un saut en arrière et que tu entends de manière quasi. Quasi synchronisé, Pat qui te fait sort de là, enfin recule, ce genre de choses. Eh bien, tu heurtes un type qui était sûrement en train d'essayer de se placer derrière toi. Tu le heurtes, t'arrives dans le couloir tout de même, mais tu vois rapidement que il doit y avoir au moins 5 ou 6 personnes dans cette pièce. Je le surligne. Tous cours, armés. Cours, cours. Merde. Armés de quoi? Alors, est-ce que tu prends le temps d'observer vraiment ou est-ce que... Ouais, non, mais ça a l'air d'un couteau, ça a l'air d'un boyer au moins. Ou c'est plus... ça a l'air beaucoup plus gros qu'un couteau. Ok. Moi je tourne. Okay. Je le surveille vraiment, puis je me barre. Je lui donne un coup, puis pour marrer. D'accord. Donc, tu donnes. Vas-y, fais-moi un petit jet d'armes tranchantes. Je sais pas si t'as entendu, mais je me relève. Hein. Oui, j'ai entendu. Ouais, d'un côté, enfin, je le mec. Armes tranchantes. Oui, armes tranchantes, il a. 13 Ouais. Très bien. Donc, le type que t'avais heurté, il avait l'air armé, tu lui plantes un bon coup de surin dans le ventre, paf, histoire de bien lui péter les intestins. Et puis, tu fais des pas en arrière et tu repars en courant, j'imagine. Ouais. D'accord. Donc, les autres, vous voyez rapidement que Ilal revient en courant. Ouais, et qu'il repasse entre les barreaux. Ouais, je prends genre une barre pour que dès qu'il passe, on essaie de remettre les barreaux, quoi. D'accord. Je lui crie au passage, avant qu'il franchisse les barreaux, reprends le pied de biche. Oui. Tu sais, je commence à mettre le barreau, je pousse, je prends le pied de biche et je reviens. Reprends le pied de biche. Oui, non, je suis de l'autre côté. Donc, je suis de retour de l'autre côté ou pas? Oui, t'es de retour de l'autre côté. Donc, vous avez récupéré le pied de biche. Je vais considérer que je suis aux premières loges. Est-ce que j'ai toujours une vue sur le gars avec sa lanterne? Oui, vous voyez tous toujours le gars avec la lanterne. Au fond, quoi. D'accord. D'accord. Donc, il a le. Dénagle. Alors, par contre. T'es au courant que si tu rates, ça va sûrement terminer sur moi parce que je suis devant là. Mais non, mais je viens d'arriver. C'est moi non, qui. Non, mais il est devant toi. William est devant toi. Bah, mais... C'est-à-dire que je te laisse passer et moi je vais attraper le pit biche avec. Ouais, et puis ça va, il y a quoi comme chance que je rate Je sais pas, t'as quoi en carac, mais. Non, mais bon, tu. Hilal, est-ce que tu mets juste en joue ou est-ce que tu tires? Putain, j'ai peur. te rappellerai les règles de l'islam après. C'est peur à cause d'un nouveau. Toi, tu fermes ta gueule. Ça va. Donc, il a là. Bon, oui, bah, je lui tire. Bon, allez, je vais tirer un coup en l'air pour lui faire peur. Ah, attends, en l'air de quelle manière? Genre, en l'air dans la pièce circulaire ou en l'air au couloir? Bah, non, mais j'ai l'air de. Tsunami sur nous. Bah, je tire vers le haut, quoi, mais en faisant semblant. Je tire. D'accord, ok. Oui, fais-moi un jet. Fais-moi un jet d'arme à feu. Enfin, arme de poing. Arme de poing. 52 piles, ça passe. Très bien. Vraiment ? Non, mais du coup, tu tires vers le haut dans le couloir pour faire genre que tu tirais dans sa direction. Et tu vois tout simplement qu'il bouge pas d'un pouce. C'est déçu. Sinon, est-ce qu'il y a moyen de voir si les gars qui lui couraient après se dirigent vers nous ou ils ont laissé tomber ? Attends, tu peux me répéter ta question ? Je te disais, est-ce qu'il y a moyen de voir si les gars qui le poursuivaient, donc les poursuivants de Ida, viennent vers nous ou pas ? Eh bien, mis à part le moment où ils avaient éclairé par du vieillard, vous les avez pas revus depuis. Donc peut-être qu'ils ont même pas couru après Hilal. D'accord, ok. Donc, pour l'instant, on n'a pas à être. À se dire qu'ils vont nous tomber dessus maintenant, tu vois. C'est ça. Si on bouge pas de là, on est safe. Enfin, pour l'instant, j'entends. Bah, après, oui, je suis d'accord avec lui, mais c'est vrai que, genre, en termes de solution sur le long terme. oui, là, je veux dire, là tout de suite, on n'est pas en phase mais de combat. Je suis d'accord, quoi, c'est pour ça que moi je remets les barreaux. Bon, ça sert à rien, parce qu'ils vont pas être cimentés, mais au moins je remets les barreaux pour faire croire qu'il y a un truc. Ça, ils reposent les barreaux dans le machin pour. Oh non. Bah, au pire, tu peux remettre la plaque, hein, avant même de remettre les barreaux, tu mets juste la plaque. Ah oui, pas con, enfin, ça dépend, enfin, je crois que niveau mécanique, si on avait un peu galéré, genre, ça serait con qu'on se renferme. Non, mais tu peux juste la poser sans forcément fermer le mécanisme, juste elle a été un peu du corps. Mécanisme directement ? Non, elle a juste été. Enfin, c'est juste le mécanisme fonctionné pour le faire remonter. Oui, voilà, mais le problème, c'est que si on la pose, ça veut dire que le mécanisme. Oui, ça va se refermer en fait. Ouais, donc je préfère faire croire qu'il y a des barreaux plutôt que de nous enfermer avec la plaque. Ok. Donc au final, là on se retrouve clairement dans la même position qu'au départ, c'est-à-dire que ce soit ouvert ou fermé, on peut pas bouger. C'est même pire qu'au départ parce que maintenant on sait que si on sort, il y a des mecs qui peuvent nous tuer. Y en a pas d'autres, des couloirs avec des plaques comme ça qu'on peut ouvrir ? Oui, vous dans cette pièce, maintenant que vous connaissez à quoi correspondent ces plaques et tout ce genre de choses, y a trois autres plaques dans cette pièce. Ah ! Alors même que tu as l'idée d'aller sûrement activer une autre de ces plaques, j'ai bien deviné, n'est-ce pas ? Oui. Et bien, tu vois que ces deux autres plaques s'ouvrent d'elles-mêmes. Il veut nous tuer, il en a marre la campagne. Les plaques remontent, certaines, l'une plus rapidement que l'autre, histoire de. Parce qu'elle est complètement rouillée, ce genre de choses. Ouais. Et derrière l'une de ces plaques, il y a encore des barreaux, avec a priori rien de l'autre côté. Ouais. Et derrière la seconde plaque. Il n'y a pas de barreaux, mais deux vieillards avec des lampes. Refermez les plaques. Donc en gros, c'est le même souci qu'en face, ouais. Sauf qu'il n'y a pas de barreaux. Et ces deux vieillards, rapidement, j'imagine que ceux qui ont des armes dans la main les visent à ce moment-là. Oui, clairement, oui. Tu vois, là, il a, si tu veux tirer. Je suis pas contre. Attends, parce que ça se trouve, les vieillards, ils sont. C'est pas les mêmes vieillards, hein. Faudrait. Ça se trouve, les vieux, ils sont pas vieux. C'est peut-être des jeunes avec des masques. Non, mais dans le sens que ça peut être vraiment des vieillards qui sont pas là pour nous attirer, tu vois. Ça oui, peut être des vieillards qui font. Eh les gars, on va vous. Poli. Non, mais genre, oui. On va vous aider. Moi je m'en bats les couilles, je sors mon canif et je suis en mode panique, genre. C'est ça. Moi j'ouvre le feu. Tu ouvres le feu Ah oui. Sur les deux vieillards. Moi, je d'accord. Est-ce que je peux essayer de lui bloquer le tir? Genre, attends, on sait pas. Mets-toi au milieu, tu vas voir, ça marche. Non, pas au milieu, mais genre, essayer de lui prendre. D'accord, donc, je vais juste poser une question. Je vais juste poser une question. Hilal, si tu es, enfin, est-ce que tu es du genre à ce que si personne te fait un signe de main qui peut être considéré comme une demande de ne pas tirer, est-ce que tu es du genre à obéir ou est-ce que tu t'en bats les couilles ? Si quelqu'un fait un signe de main ? Ouais, si quelqu'un te fait un signe de main du genre tire pas, c'est-à-dire Thompson. Est-ce que t'es du genre à tirer quand même ou bah les couilles ? Bah écoute, je viens de me faire attirer dans un piège de vilain pédophile qui voulait me faire du mal alors. Mais... Vous êtes pas marrant, hein. Ça, mais allez, vas-y, je vais arrêter. D'accord. Donc, pour ceux qui ont vu Hilal, il venait de pointer son flingue vers le... vers les vieux, avec la haine dans son regard. Et Thompson, tu as eu le geste éclairé de lui faire le signe de baisser son flingue, et il a obéi. C'est un inconnu obéissant. C'est bien. Ok, t'aurais jamais dû dire ça. Je le remercie quand même. J'y attendons de voir ce qu'ils veulent. Et puis on. Moi, dans ce cas-là, je vise Thompson et je fais. J'aime pas qu'on me donne des sons. Le serial killer de. Le serial killer de PJ, tu vois. Bon, on se calme. Donc, Hilal, tu baisses ton arme après que Thompson t'ait bien demandé de pas vouloir tuer tout le monde. Et les deux vieux, tout simplement, eux-mêmes lèvent une main, chacun, parce que l'autre tient la lanterne, et baissent la tête vers le sol. Vous êtes qui ? Non, ta gueule. Un des deux vieux relève la tête, l'autre reste immobile, et il parle à voix très basse. Et il vous... Il vous dit, d'un voix très basse, mais vous vous entendez cette fois. Hein. Ah, d'accord. Et il vous dit tout simplement, bienvenue dans le sanctuaire, mes enfants. Merci. Oh. Mais crayon. Qu'est-ce donc que ce sanctuaire? Le sanctuaire du grand dieu d'en dessous. Que faisons-nous là? C'est le Léviathan. Tu regardes Sirius, il en panique derrière. Tu vois que le vieux se tourne vers toi, William, et il dit « N'ayez crainte, mon enfant. Vous serez béni dans peu de temps. » Qu'est-ce qu'on fait ici? Dites-moi tout. Vous avez été choisi par le dieu, pour vos péchés ou pour vos mérites. Sûrement mes mérites. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment commis aucun crime dans ma vie, donc j'imagine que c'est mes mérites. Veuillez vous agenouiller. Je vous prie. Je ne m'agenouille que devant Allah. En quoi consiste la bénédiction? Moi, je suis pas d'accord, mais je suis d'accord. Que devons-nous faire? Vous allez recevoir la marque et vous serez rendu au dieu. Vous hésitez vraiment pas rendu, c'est-à-dire. Non, mais en fait, je sais pas si tu sais, c'est une secte et ils veulent nous sacrifier avec de l'eau. Non, mais est-ce que ça implique qu'on. Est-ce que. Non, mais je. Bon, ok, je mets pas en négociation, je tire. Ah, est-ce que. Est-ce bon, le mouvement est violent, mais il a raison. Moi, je tire sur Hilal. Non. Moi, je voulais juste rentrer dans la mafia. Non, bon, sérieusement. Ah, je suis très sérieux, moi, par contre. Hein. D'accord, très bien. Bah, moi, je suis sérieux avec Thompson. Hein. Je suis vraiment en mode, mais... Enfin, genre, mais écoute, je vais nous tuer. D'accord. Donc, Hilal, fais-moi un jet d'armes de poing. Là, je baisse la tête. Et là, c'est Thompson qui vient de perdre que je vais tuer. Je m'interpose pas. Tu tires sur le type qui parlait. C'est bien ça? Ouais, hein? Non, je préfère sur l'autre. Il est mobile, il regarde par terre, ça donne plus de chance. D'accord, donc tu cherches un autre. 56... Oula... arme de poing, 60. Ça passe de... Très bien. Ta Donc bah tu tires sur le type qui restait immobile à côté, péter le crâne. Mec, ça recouvre son voisin et ça redécore un peu les murs, le type tombe au sol. Il y a une réaction l'autre. L'autre a un mouvement de recul, certain. Il a un mouvement de recul et il se met à genoux lui-même. En regardant le sol. Ok, c'est l'avantage des fanatiques, c'est qu'ils sont... Ta punition, mécréant. Moi, là-bas, j'étais juste comptable. Hein. J'ai rien demandé. Venez, on part. Genre, avant de tuer, venez, on le bah, du coup, ouais, je me rapproche. C'est si cool, et je me mets mon flingue sur sa tempe. La sortie. Maintenant. Puis tu sais, je mets pour qu'ils sentent le bruit, je mets la sécurité, puis comme si comme s'il y avait un petit clic, rien pour qu'il l'entende dans sa tête, la résolution. Ouais, il y a le clic et la balle qui part avec. D'accord. Tu le menaces bien et t'entends que. Ah, j'ai coupé. Oui, tu entends qu'il est en train de murmurer. Mais en écoutant, ça t'a pas l'air d'être très très anglais. Parce que, enfin, vous êtes aux États-Unis, quoi, donc c'est en anglais. C'est du serbe. C'est du patois breton. Pendant ce temps-là, pendant qu'il est en train de faire tout ça, je me retourne vers Sirius. Je dis, c'est quoi ce bordel? C'est qui eux? C'est quoi le sanctuaire? Je vais répondre d'abord à Thompson et Sirius. Enfin, à la discussion Thompson et Sirius. Moi j'écoute parce que je suis Et il y a Sirius qui est un peu paniqué. Il fait il se frotte un peu le crâne, le haut du crâne. Il fait c'est l'éveilleur. Je vous en avais déjà parlé. On a partout dessous. Ils sont nombreux et le sanctuaire. Je sais pas. C'est sûrement chez eux. Je sais pas. C'est on discute rarement avec ce genre de personnes. D'accord. Ok. Faut qu'on se casse quoi. Bon, bah du coup, bah moi je le saisis par l'école, puis j'ai toujours le pistolet sur sa tempe, et je vais l'utiliser comme un otage et un bouclier humain. D'accord, donc bah du coup tu l'utilises en tant que bouclier, et j'imagine que tu enclenches la marche. C'est vrai que si jamais à un moment faut torturer quelqu'un, j'ai cru avoir des échos que l'un d'entre nous était pas mal malade dans ce domaine-là. Ouais, oui, comme d'habitude, pas. Mon contrat, c'est que je suis pas là. Oh, t'inquiète pas, Pat, t'inquiète pas. Oui. Ouais, oui, d'accord. Moi, je suis nouveau. Arrêtez de. Je suis pas encore prêt. D'accord. Donc, vous vous mettez en marche ou vous décidez de torturer ce vieillard? Je sais pas. Ah non, Emmanuel 2017. Attends quoi? D'accord, en marche. Désolé. Allez, allons-y. Non, je ne prends pas ça dans ma main. Et je fais le vieillard. Mais non, mais je comprends pas. On voulait. Enfin, là, je. Bon. Vous avez un moyen de sortir pour qu'on puisse aller quelque part avec lui ou on fait quoi? Ben, on se barre de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, oui, par où? Avance. Ben, prends la ouverture. Ouais, non, mais. Sans les barreaux. Du coup, juste derrière la porte qui était ouverte où ils sont venus, qu'on soit d'accord, il y a un couloir. Hein. Oui, mais ça je m'autorise à parler, mais ça serait bien peut-être qu'on le fasse parler maintenant, histoire qu'on prenne pas un mauvais chemin pendant 3-4 heures. Bon, quelqu'un, un chiffon. Mais est-ce que vous pensez qu'il va parler, ce gars-là? Je peux pas. Mais vous m'avez vanté pendant pas mal de temps. Bon, bah alors du coup, je le plaque par terre, je déchire un bout de mon pantalon. Il y a de l'eau qui tombe du plafond, non? Oui. En grande quantité ou C'est quand même des gouttes très régulières. Ah, c'est pour faire du waterboard. C'est pas genre t'as. C'est pas genre. Si je devais t'imiter un rythme des gouttes, ce serait ploc ploc ploc ploc ploc ploc ploc ploc. Ah, oh, c'est génial. Donc ça veut dire que t'as peut-être une grosse chance par terre, non? Beaucoup quand même. Hein. Ah oui. Il y a pas mal d'eau. Et est-ce qu'il y aurait genre, c'est pas vu que c'était les égouts, une bouteille par terre ou je sais pas quoi moi, une canette, tout ce que tu veux. Non, y a pas d'objet, rien du tout. Rien? Non. Tiens, un récipient. Moi je dois avoir un bocal. J'ai toujours ma cuisine avec moi. Bon bah passe, putain. Bon bah je le patte, enfin c'est ça. Je sais quoi, il doit me rester une bouteille de bière vide, une bière comme ça. Là. Bah vas-y, passe. Ça passe. Bon bah du coup je prends une flaque par terre, je la remplis d'eau. Ouais. On perd du temps là en fait. Je lui fous le chiffon sur la gueule et puis je fais la sortie maintenant. Et s'il répond pas, je lui déverse tout sur la gueule. D'accord. Bon bah tu vois que pour commencer il répond pas. Et bah je lui fous la bouffe, enfin toute l'eau sur la gueule là. Il va pas répondre si tu lui mets de l'eau froide au courant. Mais... Et j'ai tu connais rien, on voit bien que t'as un petit bleu toi. Ok, moi je pars, je les laisse régler ça parce que. Est-ce qu'il me répond vraiment ça, c'est la question. Ah oui. Ok, je sors la machette. Okay. Moi je fais des one shot. C'est n'importe quoi. C'est mieux. J'ai le MJ, tu es témoin, j'avais annoncé. Oui, je sais. On est d'accord, c'est lui qui m'a provoqué, j'ai rien fait depuis le début, je dormais. Je valide, mais je valide aussi que. Non, c'est n'importe quoi. Bon, du coup, 22, tu sors ta machette et au même moment. D'accord. Au même moment, le type avec son foulard sur la gueule, enfin son tissu sur la gueule et de l'eau, il se met à essayer de parler, mais bon, il a bien du mal hein, quand même avec son. Il est en train de se noyer dans son tissu, quoi. Bah, je lui retire alors. Allez, putain, réponds-moi! Oh, qu'est-ce que vous voulez savoir? La sortie! La sortie, Sam? Dans l'ambiance? La sortie. D'où? Vite au sanctuaire de mes couilles, putain! Le sanctuaire est partout. Le sanctuaire est partout. Des égouts. Les égouts. On est dans les égouts. On veut remonter à la surface. Mais oui, mais moi je veux la gouche d'égout. La surface. Vous voyez que il te regarde à toi, Thompson, même si de temps en temps il jette des petits coups d'œil à Hilal parce qu'il lui fait un peu flipper. Mmh. Et il dit la surface, il faut monter. Oui. Et ben, par où va aller voir Dieu. Fais-nous monter. Fais-nous monter. Je ne sais pas, je suis né ici, j'ai grandi. Bon, et ok. Pistolet contre la tempe. C'est un frère. C'est un demi-frère. D'accord, allez, tu... Pistolet contre la tempe. Et est-ce que. Et tu peux vraiment pas nous aider? Oui, je peux vous indiquer la direction de l'hôtel. L'hôtel du sanctuaire, le grand hôtel. Une sortie? Je ne sais pas. Sinon, Sirius, est-ce que tu peux lui donner une indication qu'il pourrait connaître dans les sous-sols? Il y a Sirius qui s'approche. Il y a peut-être. Il y a les différentes stations. Et tu vois qu'il se met à donner des noms de stations, certaines que vous avez jamais entendu parler, sûrement qu'elles ont été fermées il y a des années. Et le Sif dit je connais pas ces langages. Et Sirius en fait il demande Wonder City, je sais pas les réseaux de cavernes et le Sif lui-même réagit à un moment au réseau de cavernes et il dit on est dans les cavernes. Dans les cavernes. Et est-ce que tu peux nous faire sortir des cavernes? Et après, on se démerde. Tu demandes ça au Tif ou à Sirius? Je pense que Sirius, lui, il est jamais. Clairement, il est jamais venu jusqu'ici, sinon il en serait jamais sorti. Donc je pense pas qu'il doit connaître. Mais gars qui nous fasse sortir des cavernes, en fait. Parce que je pense qu'il. Oui. Il n'a jamais été plus loin, mais il doit connaître une porte qui est en dehors. Je pourrais, mais si je le fais, je... Arrête de mentir! Ah! Je salis mon âme! Je suis mauvais! Mais oui, mais tu te purifieras par la suite, mais sinon c'est la mort qui t'attend. Et quand tu vois comment il a l'air énervé, notre ami, je pense qu'il vaut mieux pas le... Je vous amènerai aux cavernes, je vous promets, je vous amènerai... Dans les réseaux de cavernes. Putain, t'as pas le temps de lui couper un doigt. Je vous amènerai là-bas. Promets. Eh ben vas-y, emmène-nous. Je le lève, je le jette par terre, puis avec le chiffon, je lui lie les poignets. D'accord. Et je le relève. D'accord. Donc tu lui lis les poignets, puis après il vous regarde, il fait j'ai besoin que quelqu'un tienne la lanterne. Je le fais. Je l'avais dit tout à l'heure. Parfait. Il y a des choses dans l'ombre qui ont peur, des lanternes. Que des lanternes? Mais c'est quoi ces conneries, putain? Et il y a Sirius derrière qui fait oui, c'est sûrement des mille pattes, peut-être les hommes top. J'en ai déjà croisé un jour. Un homme, il avait un nez top. Enfin, bref, Sirius, il commence à raconter ses légendes urbaines, tandis que... Junkie de merde. Bon, allez, on y va, on arrête de causer, maintenant, faut qu'on se casse. Donc, voilà, je les laisse avancer, et moi, je les suis, faut qu'on reste groupés, essayer de pas trop s'éloigner les uns des autres. Oui. D'accord, donc, vous commencez à vous mettre en marche, guidé par... Ce vieillard qui avance en murmurant des choses dans son espèce de langue étrange. Ça lui permet de dire que rien. Ah bah si vous voulez qu'il se taise, vous pouvez faire quelque chose contre ça, mais... Ah non. Je sais pas s'il peut... Et s'il il parle fort, on a moyen de... Enfin, il peut être entendu par des autres personnes ou pas? Non, il murmure et je dirais même que les gens qui sont tout au fond de votre queue-leu-leu, là, ne l'entendent pas. Ok. Donc il y a vraiment ceux qui sont à côté de lui qui l'entendent. D'accord, ok. Dans quel ordre vous êtes? Moi devant avec la lanterne. Ou à part s'il va se mettre devant, je lui demande. Moi je suis derrière. Donc attends, 22 avec la lanterne, le type qui guide. Ouais. Derrière j'imagine Hilal qui s'occupe du type qui guide. C'est ça? Hilal? Ah, on trouve pas Hilal. Alors, pour info, la lanterne, ça a une main, je peux la tenir? Oui. Ok, donc dans l'autre, j'ai la machette. Ok. Donc, Hilal. Hilal, tu es présent? Oui, excusez-moi, j'ai eu une absence. Donc, tu es au plus près du vieillard pendant que vous marchez? Ah oui, totalement, j'ai toujours le flingue sur ça. D'accord, très bien. Donc... Qu'y a-t-il après Hilal? Ouais, moi, je suis derrière Hilal et j'ai la main posée sur son épaule. Alors comme si, tu vois, pour garder un contact physique avec celui qui est devant moi, au cas où. D'accord. Et j'ai mon arme dans la main. Je me regarde un peu étrangement quand je pose la main sur mon épaule en mode... Quoi? Non mais j'ai dit, t'inquiète, c'est juste pour que, comme on est dans la pénombre, pour pas qu'on se perde les uns les autres. Et j'ai mon flingue dans l'autre main. Qui de Pat et William ferme la marche? C'est moi. Parfait. Très bien, donc William est entre Thompson et Pat, c'est ça? Exactement, c'est ce que je voulais. Et William, tu poses ta main sur moi ou tu oui, bah, j'aimerais bien pas te perdre en tournant. Il y a la lanterne devant. Oui, mais devant, on prend de la place et puis on est loin de devant. Je préviens, si vous vous paumez, vous pouvez la couper. Prenez la bonne, par contre, s'il y en a d'autres, faites gaffe. Oui, voilà, c'est ça, je m'en vais. Oh, vous êtes là, un vieux. Non, moi, je touche un peu le pull de Thompson et je suis en mode, je te suis. Ok. Très bien. Donc, vous avancez les uns derrière les autres, dans ces couloirs étroits. Et vous prenez quelques virages, des moments où il y a des croix. L'homme qui vous guide, le vieillard, n'a pas du tout l'air d'être perdu. Genre, il connaît les endroits par cœur. Il n'y a aucun moment d'hésitation à chaque tournant, à chaque croisement. Douteux. Bah, il est chez lui, hein. Il est là depuis qu'il est né. Donc. A priori, vous tournez pas en rond. Disons que les murs sont. Les murs sont remplis de genre d'affiches, de gribouillis, ce genre de choses. Donc c'est assez facile de voir si vous tournez en rond ou pas. Ça ne serait pas du conséquent. C'est pas les mêmes, quoi. C'est pas des trucs identiques, ouais, voilà. Quoi. Vous avez l'impression d'être dans une espèce de caverne qui a été creusée par l'homme. sur lequel, à certains endroits, on aurait collé des affiches qui viennent sûrement de la surface. La moitié de ces affiches sont délavées, déchirées. Et souvent, par-dessus, il y a des espèces de peintures rupestres qui ont été faites. Okay. Et c'est quoi comme affiche? C'est genre Vanilla Cirque Zapata? Non, c'est des affiches de la surface, c'est du genre, oui, un truc pour un événement, ou c'est pour des événements, ou alors voter Harvey Dent pour être ce genre de choses, ce genre de conneries. Okay. Il y a aussi des affiches en mode qui est le Batman, ce genre d'histoire. Batman don't exist. C'est ça. I want to believe, et il y a une photo d'une espèce de silhouette noire dans les rues. Et donc, vous avancez à travers ces couloirs, toujours sans aucune hésitation de votre guide. Et rapidement, vous entrez dans une pièce, disons, ni trop étroite ni trop large, avec ce qui semble être des tables qui ont été sculptées elles aussi dans la pierre. Il y a, sur beaucoup de ces tables, il y a des restes de repas ou des objets, du bric-à-brac. Et il s'arrête un moment au centre de cette pièce et ne fait plus aucun geste. Il reste immobile. Ah, c'est tellement difficile. Il s'attrape. Je lui dis, où on va, où on va. Je dégaine mon arme, je rampe. Avance. Et j'ai toujours mon flingue dans son dos. Ouais, d'accord. Je demande le passage, moi, du coup, parce que je suis pas au courant qu'il s'est réellement arrêté. On va où maintenant? Bah, ça a été... Et il vous dit, je pense que j'ai quelque chose à vous dire, à vous avouer. Putain. C'est pas là. Je vous ai pas emmené la sortie. Jamais. Il y a quelqu'un qui surgit dans mon dos pour m'égorger. J'aurai le temps de te transpercer 4 fois. Alors, je sais que pour sortir, il faut passer par la grande salle. On est entré comment? C'est comme une toile, vous savez, une toile d'araignée. Mmh. Et tous les chemins mènent au centre. Et là, on est bien, si vous voulez aller dans les cavernes, il faut pas aller au centre. Et c'est la salle principale. Là, on doit être... Il n'est pas au centre. On doit être à quelques... Je dirais peut-être 20 minutes de marche du centre. Mais le centre, il y a du monde ou pas? C'est possible, ça dépend des horaires. Il devient pensif, quelque peu, il fait... oui. Il doit y avoir quelques personnes en ce moment même. Et quand on y revoit? Et quand on y sera, sûrement que ces personnes y seront encore. Et tu sais si elles ont tendance à partir après ou bien... Ça dépend, les prières peuvent durer des quelques minutes comme des mois. Bande de fanatiques. Nous ne sommes pas fanatiques, nous avons juste ouvert la vérité et nous communiquons avec le grand dieu d'en dessous. Je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer des habits, des guenilles de chez vous et qu'on s'habille tels des moines ou des... Enfin, ils sont habillés en moines. Des adeptes, quoi. J'imagine qu'il doit avoir des... Si vous... Je pense qu'on peut essayer de passer peut-être vers une pièce où il risque d'y avoir peut-être de quoi vous habiller. Je pense. Que je pense qu'on aura peut-être plus de chances de passer inaperçu, plus de chances de passer inaperçu avec des fringues de chez eux que si on y va nous là comme on est. Cependant, je dois vous prévenir, si on va chercher de quoi vous habiller, cela pourrait rallonger le voyage d'une heure. Qu'en pensez-vous? Tu diras, tu prends une balance, tu fais est-ce qu'on prend une heure de plus ou est-ce qu'on prend des mois en plus? Fais le calcul. Franchement, ça peut valoir le coup. Si ça peut nous aider à passer certaines. Enfin, d'être plus safe, je pense qu'une heure de notre temps. Ça se tente. Peut-être sonner l'alarme aussi. Quoi. Hein? Il y aura plus d'occasions d'essayer de se barrer pour aller sonner l'alarme. Ouais, enfin, tu sais, en même temps, là, il est clairement en train de nous dire qu'on va passer en plein milieu d'une salle où il y a plein de gens, donc l'alarme, il peut la donner quand il veut. Hein. C'est vrai qu'il peut, il peut mentir, mais est-ce que c'est vraiment dans son intérêt? Pas spécialement confiance, le gars, il a essayé de nous tendre un piège, quoi. Bah, de toute façon, honnêtement, on peut que lui faire confiance parce qu'on sait pas du tout où on est. Donc malheureusement on a que lui pour ou alors on y va tout seul mais on sait pas où on va aller et clairement c'est un vrai labyrinthe ce machin là. Non? Moi je sais pas. J'aime mieux le sens de l'orientation de toute façon. Moi je suis comptable, ça sert à rien. Bah, je pense que clairement ici personne n'a le sens de l'orientation. Même Sirius, qui est censé normalement connaître le mieux l'underground, il est perdu ici, donc c'est pas nous qu'allons nous démerder. Hein. Moi, je propose qu'on aille chercher des fringues. Maintenant, est-ce que vous êtes OP? Ouais. Hilal, ça te va? Oui. Oui. Ok, bah écoute, amène-nous à ta pièce là qu'on puisse se changer. D'accord, très bien. C'est votre choix. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et donc, il se met à avancer, toujours dans la même direction que celle où vous alliez à la. Et il continue à avancer, toujours sans aucune hésitation. Il avance encore et toujours. Vous le suivez dans ces couloirs qui, peu à peu, sont de plus en plus recouverts de peintures rupestres. Signe sûrement que vous approchez d'une zone plus peuplée de ce réseau. Ouais. Et vous marchez encore et encore. Pendant ce qui vous semble être des heures. Il a dit une heure. Oui, ben vous marchez pendant ce qui vous semble être des heures. Ah ok. La perception et le temps. Ça. Et vous, au bout d'un moment où vous pensiez ne plus jamais en finir, certains d'entre vous étaient sûrement en train de commencer à dire qu'il était en train de vous avoir, qu'il essayait de vous rendre fou. Vous arrivez dans une autre pièce, aux meubles sculptés. Et vous voyez simplement qu'il y a plusieurs robes de prêtres et de différents moines, ce genre de choses, qui sont étalées sur certaines tables. D'autres qui sont encore dans un espèce de vieux lavoir accroupi. Bon, je regarde sur le niveau de la bataille, parce que j'ai un peu dans mon point. Oui, vous. Ben, on en prend chacune une, s'il y en a une pour chacun. Ouais, bah, moi je mets par-dessus. Enfin, il y a moyen. D'accord. On s'habille, on met par-dessus. Oui, oui. Vous trouvez aisément de quoi vous trouvez aisément de quoi vous déguiser en prêtre. Est-ce qu'il y aurait des lampes supplémentaires, ou genre une lampe supplémentaire qu'on puisse au moins en avoir plus de une, vu que le groupe qu'on est? Non, il n'y a pas d'autre lampe. Non. Et d'ailleurs, si tu interroges l'homme à propos de ça, il te dit tout simplement que non, il n'y a qu'une lampe par personne et on nous la donne lors de la grande initiation. Ok. Bah, du coup, techniquement, il y en avait deux avec nous, puisqu'il y en a un qui est mort et chacun avait une lampe. Mais on a oublié la deuxième alors. C'est vrai. Ah merde. Ah mais con. On a laissé la deuxième lampe avec l'autre là-bas. Bon, en soi, il y a une lampe et c'est personne derrière, ça passe. Ok. Bah du coup, on est tous sapés, hein. On est prêts à continuer notre trajet, alors. What? Ok. D'accord. Donc vous voilà à présent déguisé en gentil prêtre. Oui, voilà, pas en méchant prêtre. En gentil. C'est ça, en gentil prêtre. D'accord. Et vous reprenez la marche vers le centre. Le centre de ce réseau. Et plus vous vous approchez, bah, plus les murs sont recouverts et vous arrivez même à un niveau où les murs ne sont vraiment plus que des peintures. On ne voit absolument plus rien mis à part ces peintures. Comme s'ils avaient fait des dessins, puis encore des dessins, puis ils se sont dit qu'il fallait en refaire par-dessus les anciens et finalement... Mais ils ont pas le mur en fait. Plus, ça ressemble plus à rien quoi. D'accord. D'ailleurs ça raconte toujours n'importe quoi. Oh bah c'est souvent des histoires d'hommes qui font des sacrifices, certains qui se chassent entre eux. Il y a aussi des histoires de personnes qui jettent d'autres personnes à travers des trous pour se faire dévorer par des créatures souterraines. C'est génial, c'est sympa. C'est accueillant. Oh putain. Ça va être convivial comme coin. Des sataniste. Il doit y avoir des réunions, mon gars. Est-ce qu'on a une notion de l'heure qu'il est? Est-ce que genre si on a des montres tout ça, on a quand même notre l'heure qui est affichée dessus? Alors qui a une montre dans son inventaire? J'ai un téléphone. Moi j'ai mon téléphone, mais est-ce qu'il... Les téléphones sont été confisqués. Oui, mais c'est pour ça que je ne l'ai plus. Ah bon, on en a plus. Alors et ça ben, dépend. Moi... Est-ce que j'ai droit de trifouiller un peu parce que j'ai un pendentif en bois? Est-ce que sur un jet de chance, c'est possible que ce pendentif, en fait, tu sais, c'est les trucs qui s'ouvrent avec une... Allez, on va dire. Ah. Non, on va dire. En vrai, je suis pas en demi-tour, moi, j'avais tout prévu. Je vous dis vraiment les choses comme elles sont. Ah bah, c'est juste un pendentif aux F. Mais il est là depuis la première session, il sert à rien. Donc si jamais... Eh bien, on va dire que sur un jet de chance, j'accepte ça. Qui devient une monstre cachée. Oh. Non, c'est pas caché. Enfin, tu peux très bien imaginer que j'ai ça, genre c'est de la famille, quoi. Enfin, genre, c'est une montre qui envoie un signal de détresse. À Batman. C'est ça. T'as le bat signal. Il y a le bat signal, quoi. C'est. J'ai fait 10 sur 10. Je sais pas si ça passe pour toi, mais enfin 10 sur 20, pardon. Enfin 10 sur 10, mais parce que j'ai 10, mais voilà, en gros j'ai 10. Eh bien, bah, c'est un jet réussi. Donc en effet, c'est une espèce de monstre à gousser. Ouais, du coup voilà, je fais hey, Thompson et je retire mon collier, il voit un espèce de gros cœur en bois, je l'ouvre en deux et t'as vu il est l'heure. Quelle heure il est? Et il est 11h du matin. Du matin. Oui. Ah, du matin, oui. Et quand vous aviez perdu connaissance, ça devait être en début de soirée. Alors, c'est très gentil de ta part de nous dire qu'il est du matin. Mais esthétiquement, sur une horloge, on peut pas savoir. Vous le savez. Vous si, le parce sortez, que, si, parce que tu peux avoir des montres qui te mettent oui, à matin ou soir. Enfin, matin ta ou soir. Montre l'indique. Et il y a oui, un jour à côté. C'est un vieux truc old school, tu l'ouvres, c'est super technologique. Non, mais t'as même la date et le mois, je suis sûr, si tu regardes bien. J'ai le bas de signal. Non mais t'as des montres qui font non, ça, non, mais tu ça, peux voir le jour et le... Non mais ouais, écoute, le MJ me laisse en plus un bonus supplémentaire, moi je dis pas non, ok. Maintenant, alors, quel jour sommes-nous et quelle heure est-il? 11h. Alors, vous êtes le... 23 mars, 1997. Donc, non, vous avez l'heure. On okay, sait okay. Que ça fait pas une semaine qu'on est dedans, en fait, ça fait vraiment juste aujourd'hui, genre quelques heures. Bah, c'est plutôt rassurant, là. Ouais. Ils nous sont pas peut-être qu'après c'est 11h, mais de 3 semaines plus tard. Hein. Bah, c'est pour oui, ça que je suis ici à la date. Si à la date, c'est moi. Non, il n'y a pas de date. Oh merde. Oui, non, c'est vrai, mais après, clairement, est-ce qu'on serait pas juste un peu plus que shooté si ça faisait 3 semaines que notre corps avait aucun apport journalier? bon, bref. Ouais, c'est là que oui. Moi je commence à avoir des doutes sur Jess. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle a fait? Putain, mais j'avoue. alors, moi, Est-ce que je peux poser une... je peux mettre une suggestion? Comme on n'a pas de téléphone, comment on va faire pour recontacter les gens de l'autre monde quand on va vouloir reprendre un rendez-vous avec France ou quoi? Non mais non, on va espérer que ça fait pas longtemps parce que franchement ça serait un peu honteux, genre on arrive au rendez-vous, ah bah c'est bien, c'était il y a 6 mois. Non mais ça à la limite tu vas, ah, franchement, on sait où il habite, on va chez lui, on peut très bien récupérer les numéros. Non mais en vrai c'est le cadet de nos soucis, je pense que là survivre c'est pas mal. Bah oui. Attends, mais moi, comment je fais? J'attends mon livreur, il devait livrer mon colis. On s'en fout. Déjà, on sort d'ici vivant, je suis content, parce que moi, j'ai pas signé pour ça. Hein. Putain, les gars, t'es en retard. T'as signé pour aller d'habitude ta vie. Très bien. Donc bon, oui. Je considère que pendant que vous parliez de l'heure et de avançait, les faire pour reprendre Dodi, oui, vous avez avancé. Bien entendu, on s'est pas arrêté. Et vos discussions se font rapidement interrompre. Enfin, pas interrompre, genre rien de ce qui vous saute dessus, hein. Interrompre par un son, un espèce de petit bourdonnement que vous entendez. Et plus vous approchez, plus ce bourdonnement ressemble à un chant de méditation. Oh punaise. Oui, c'est ça, c'est le hum. Moi, je fais ma petite piqûre de rappel à l'autre. Je me dis, t'oublies pas, hein. Je suis derrière toi. Non, j'oublie pas, j'oublie pas. Et je cache le pistolet, il est toujours un peu contre son dos, mais je le cache dans la manche. Donc, c'est les trucs de prêtre, j'imagine que c'est les gros trucs. Oui, ça, De toute façon, il sait que c'est péché d'interrompre une prière. Il le fera pas. Ah oui. Bon, et donc vous avancez et tandis que ce son devient de plus en plus fort, vous voyez devant vous une grande arche qui mène à une immense pièce. Une immense pièce qui vous semble être à moitié sculptée, à moitié caverne naturelle. Et alors que vous arrivez dans cette pièce, vous voyez, disons, imaginez un peu comme un colisée. Ça, vous voyez le colisée? Oui, très bien. Si ce n'est que, au centre du colisée, il y a un grand trou. Genre le colisée intact ou en ruine antique? On va dire intact. Colisée intacte avec un grand trou au centre. Et du même gabarit. Alors, c'est plus petit quand même, on va dire. Hein. C'est comme une scène sacrificielle, quoi. Là, en gros, là. C'est ça. Okay. Pour ceux qui ont observé les peintures sur les murs, ça peut vous faire penser aux à ceux où ils jetaient des trucs dans les trous et tout ça. Et là, je glisse à l'oreille de Hilal, j'ai appuie bien ton flingue sur lui. Qui nous amène pas au milieu de la pièce. Ok. Il y a pas de problème. Il faut passer par le trou. Descendez. Hilal, tu veux sauter pour tester? Oh mais l'éléphant en premier, mon cher. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit le gonze là? Qu'est-ce qu'il vous dit, quoi? Comment ça? Hilal, est-ce que tu fais ce... Est-ce que tu. Hilal, est-ce que tu fais ce que Thompson te propose? De quoi? Thompson t'a proposé de rappeler un peu le type à l'ordre parce qu'il est pas sûr de là où il vous amène. De le menacer? Non, d'appuyer un peu plus le flingue dans son dos, genre dire attention, hein, pas de. Je vais pas appuyer, hein. Mais je vais le bouger, je vais le déplacer sur sa peau. Le sien. Tu sais, genre, il rappelait pas de conneries. Je sens que le petit mouvement, là, le petit truc gênant. D'accord. Et il fait non. Non, je vous jure, c'est on est au centre, c'est le centre. Je vous jure, c'est le centre. Continue. Allez. Pile. Et donc vous avancez dans ce colisée et vous voyez rapidement que à certains endroits il y a quelques types qui sont à genoux en train de prier. Au total, dans tout ce colisée, il doit juste y en avoir 3 ou 4. 3 ou 4. Et rapidement, vous, alors que vous avancez, dans, alors que vous quittez cet arche tout simplement et que vous rentrez complètement dans le colisée, une voix vous interpelle. Une grosse voix, vraiment granuleuse, genre de la voix, enfin de la gorge bien rock. Vous avez l'impression que le type qui vous parle a une gorge faite de pierre. Et vous entendez que cette voix vient de derrière vous, mais aussi d'au-dessus. A priori, il était sur l'arche, en quelque sorte. Oui, il surplombait, quoi. Oui, il surplombait l'entrée dont vous êtes sorti. Ouais. Et cette voix dit tout simplement... Je connais l'odeur de chacun de mes... Non, je connais l'odeur de chacun de mes disciples. Non, non. Eh ben, il sent les bures, donc il doit nous sentir... Retournez-vous. Bon, bah, à ce moment-là, je crois que je mets le pistolet sur la tempe de... Bah, de toute façon, on se retourne. Enfin, moi, je me retourne pour savoir qui c'est qui me fait... qui me surplombe. C'est pareil. Donc vous retournez mais pendant je que je retourne avec le flingue sur sa tempe. C'est ça. Pendant que toi t'as le flingue sur la tempe et que le mec se met à couiner par peur de mourir. Et vous voyez au-dessus de l'ouverture dont vous venez de sortir que sur un espèce de grand trône sculpté se trouve un espèce d'immense humanoïde qui doit faire 3 mètres. Recouvert d'écailles, le visage bestial et de longues dents qui dépassent de sa bouche. Oh. Et il vous regarde de ses deux yeux jaunâtres, que vous avez l'impression qu'il perce votre âme. Est-ce que mon âme est réellement percée? Est-ce que j'ai une âme? Bah, là, clairement, de toute façon, on voit quelque chose qui, en tant que personne normalement constituée psychologiquement, mis à part une personne parmi nous qui, lui, il a vécu dans un monde parallèle, ouais. On est choqué. C'est quelque chose qu'on n'est pas censé voir, ça. C'est juste surnaturel. C'est ça. Et Sirius, qui est avec vous, lui, il se met directement à genoux. Il a... directement à genoux. Converti. Non, mais, en vrai, j'hésite, là. Bah là, franchement, moi, je suis... Enfin, disons que ça me ramène à la situation qu'on a vécue la dernière fois qu'on est descendu. Hein. Et du coup, bah, Quand tu dis massif, c'est genre... Genre, il est énormément baraque. Mais il est taille humaine, quand même. Non, il a 3 mètres de haut, et il est baraque pour un mec de 3 mètres de haut. Alors, Bane, est-ce que tu peux descendre? Bon, ouais, bah, je vais peut-être... Je vais peut-être, me mettre un genou à terre. Disons que moi je fais quelques pas en arrière, parce que déjà impressionné par ce que je vois, c'est pas normal honnêtement de voir un truc pareil. Et limite en bafouillant, je dis mais qu'est-ce que vous êtes? Enfin, qui êtes-vous? Et il a un petit rire, toujours aussi rock. Ouais. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent à décoller le regard de cette bête, ils peuvent détourner le regard, c'est-à-dire pas juste regarder dans son visage. Ils peuvent remarquer qu'il est entouré de deux femmes qui sont en train d'essuyer son corps avec des tissus mouillés. Tandis que à ses pieds, il y a plusieurs enfants en train de jouer avec des espèces de jouets en bois, ce genre de choses. razor.com. Et pendant qu'il ricane avec son rire rock, il vous dit: vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler Dieu. Ah ouais. Sympa. Bien riche. Mais. Ok, là. Vous savez, si vous aviez simplement suivi mes disciples, cela aurait été beaucoup plus simple. Voilà, vous voulez nous tuer. Écoutez, en même temps, on nous a rien dit. Silence. Moi, je ferme ma gueule. Yeah. moi, je suis juste en pleurs en mode. J'ai signé. et je me mets à genoux aussi. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Est-ce qu'il y a genre des meubles ou des trucs en pierre, je sais pas. Il n'y a pas de meubles, c'est vraiment juste un espèce de colisée avec rien du tout. Non, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'objets. Merde. Et donc, une fois qu'il a imposé le silence... Je mets le genou à terre. Il recommence à parler, il fait: si vous êtes tous ici, c'est pour une raison. Vous avez fait d'horribles choses. N'importe quoi. De quoi il parle? Vous avez participé. Comment vous savez? Vous avez participé à un commerce que. Oh mon Dieu, arrête ça. C'est interdit, ça, je supprime, désolé. Mais... Vous avez participé à un commerce immoral. Mais quoi? Quel commerce? Si vous êtes ici, c'est que vous avez eu un ou plusieurs accords avec un terrible individu. Le baron? Le baron. Samedi. Oh. Ah, alors, mais... moi ça tombe bien parce que j'ai mais rien juste, fait. C'était juste des colis. Attendez, si vous parlez de cette transaction avec ce petit enfant qui était dans ce... J'y étais pas, hein. Clairement, l'enfant va très bien, on ne l'a jamais donné. Et moi j'y étais même pas. Et d'ailleurs, les deux personnes qui le voulaient sont mortes. Hein? Et moi, je l'ai fait toujours pas. Nous n'avons pas laissé l'enfant à ces gens. À ces deux personnes. Quoi? Des enfants? Oui, il y avait un commerce avec un fast-food d'enfants. Nous n'avions pas connaissance de ce qu'il y avait dans cette boîte et nous avons entendu des bruits qui nous ont alertés et nous avons regardé à l'intérieur et décidé de sauver l'enfant car pour nous ce n'était pas quelque chose de normal. Je vous jure, j'étais pas au courant. Est-ce que ça le touche particulièrement? Qu'est-ce qu'il fait? Il réagit? Il s'en fout? Alors oui. c'est assez difficile de lire les... Oui mais toi le voilà. MJ, tu peux... tu sais tout toi. Il a fait. Non, c'est-à-dire... Est-ce que déjà il dit que je suis innocent parce que j'y étais pas, il me laisse partir. Monsieur le MJ. En fait, tout le monde s'était mis à parler et à faire non, mais non, mais. Mais de ouf. il reconnaît. Une fois que vous avez fini de tous parler, il a pas les... son visage n'a pas bougé d'un iota. Ouais, putain. Et il dit: un à la fois, s'il vous plaît. Je prends la parole. Je dis: écoutez, ici, nous avons effectivement participé à une transaction. Au départ, nous ne savions pas ce que contenait cette boîte, mais nous avons entendu des bruits suspects qui nous ont forcés à ouvrir et voir le contenu. Il y avait un enfant, et cet enfant, nous ne l'avons pas laissé à ces gens. L'enfant est sauf. Si c'est de ça dont vous parlez, bien sûr. J'interromps du coup. Je peux parler? Ouais. Suite à ça, les deux personnes qui voulaient l'enfant ont été exécutées. Si ça peut vous faire plaisir. Montrez-moi du doigt les gens qui sont concernés par cette excuse. Je m'obstate, moi et Peter et vous. Il y a Sirius aussi qui était là, mais oui. Et Sirius, c'est sûr. Il était que guide. Mais moi aussi, hein. Non, il n'était pas là. Non, mais moi je comprends pas du tout pourquoi je suis là. Hein. J'étais pas là. Oui, ces deux hommes-là n'étaient pas avec nous. Pas du moins durant cette transaction. Si c'est pas un truc comptable, en vrai, je peux annuler. Hein. mes informateurs m'ont parlé d'un groupe qui aurait tué un de mes envoyés dans un train. Quoi ? Ils étaient 5. Dans un train ? Je ne vois pas du tout. J'étais pas là. J'étais pas là. Excusez-nous alors. Sans vouloir vous manquer de respect ou quoi, mais là par contre, on voit pas du tout de quoi vous parlez. Ouais, franchement. Ils étaient 5. Puis bon, en fait, on a rien fait dans un train. Ah oui, d'accord. Ah! L'un d'entre eux, la personne que vous qui manque n'est pas là aujourd'hui. Elle s'appelait Desmond Mike. Elle travaille. Oh, l'autre, la grosse balance. Elle s'appelait Desmond Mike. Elle habite 15 rues du. Son code numéro social. Elle... mais moi, le retour, Et je préfère. Après, je finis de parler. Je dis, écoutez. Moi, je préfère jouer franc jeu avec vous. Parce que de toute façon, nous ne savons pas réellement ce que vous savez. Donc, je préfère vous dire la vérité. Oui, nous avons croisé pendant ce trajet une personne qui, pour nous, était plus de l'ordre du surnaturel, type zombie. Et nous avons eu peur pour nos vies. Car elle nous a attaqués. Et nous n'avons fait que nous défendre. À aucun moment, nous avons attaqué volontairement cette personne. On n'a fait que se défendre. Qui ici n'est pas concerné par l'histoire du train et des enfants? Moi. Des enfants, j'étais pas au courant, moi. Je montre du doigt Hilal et William et je dis ces deux personnes n'étaient pas là. Et tu quoi? T'as bugué après avoir dit que tu l'avais montré? Je dis que je montre Hilal et William et je dis ces deux personnes n'étaient pas là. Pas dans le train. Moi, je sais pas du tout quoi vous parlez, je suis un peu perdu. Moi, là-bas, je suis juste Calme-toi, William, calme-toi. Vous voulez dire que ce gros gigot n'était pas avec vous? Non, je sais pas si gros. Ce gros gigot n'était pas là. Mais moi non plus. Dites-leur, dites-lui. Mais c'est toi le gros gigot, William, calme-toi. D'accord. Dites-lui, j'étais pas là. Silence. Alors que faisais-tu avec ce groupe? Mais je sais pas, moi aussi j'ai voulu. Pas toi, silence! Désolé. Le gigot. Voilà, c'est-à-dire que ce groupe, des fois je travaille avec eux, mais rien à voir avec ce dont vous parlez. Du coup, nous là on rentrait chez nous en fait. C'est pour ça. Et du coup, on rentrait ensemble. Que son visage ne bouge toujours pas. C'est pas un visage très expressif. Oui, je m'en doute. En même temps, avec des écailles, ça doit pas être facile de bouger comme ça. Ah, je reviens. Oh, super. Putain, il est parti, il venait au cours. William, on peut dire que entre temps, je t'ai quand même un tout petit peu expliqué la situation. Que genre, ouais. Tu me chuchotes à l'oreille, genre, chaque fois que Topson parle, fait. Alors en fait, on a eu un enfant. On a eu un enfant. Non. Non mais trop tôt. Stop. Je laisse être enceinte. Donc, de son visage inexpressif, ouais. Il ne dit absolument plus rien et il te fixe du regard, William. Il va tellement vouloir te bouffer. Puis, sans rien dire, il te fixe du regard, Hilal. Il te regarde et il dit « Toi, tu es celui qui fait passer les colis. » Mais non, mais... Ok. Je vais dire que je reçois même pas les colis, non. C'est la boutique qui sert juste à... C'est un point de passage. Il y a des deux types du même dos. Enfin, je... qui passe et puis moi je sais pas ce qu'il y a dans les colis, moi je dis que je pouvais gagner un peu d'argent dedans et c'est tout. Les colis, les on m'a juste dit que je travaillais, enfin que c'était pour je sais pas un certain monsieur samedi, mais c'était juste je mettais le colis sous le boutique, enfin sous le comptoir pendant deux jours, et puis il y avait les deux gars du McDo qui venaient le récupérer. Et moi je commence à fixer Hilal en me disant mais tu bosses pour eux? Mais non, je bosse, c'est juste que je fais ça avec tout le monde, je garde les colis pendant quelques temps, puis je les... Enfin, je les donne même pas, non, on vient les chercher. Enfin, c'est là. Et t'as jamais entendu des bruits bizarres dans la boîte? Ça t'a jamais... Enfin, c'était jamais venu à l'esprit? Bah, j'ai pas le droit d'ouvrir, sinon je le fais. Bon, enfin, moi, mes amis, ils ont ouvert. Parce que eux, c'est des gentils gens. Voilà. Ils vont sauver. J'ai un gros problème avec l'autorité aussi. J'acquiesce, Julien. C'est pas grave, c'est pas l'autorité. Au moins vous me sauvez la vie, donc je vous aime. Oui. Câlin. Il tourne le regard ensuite de nouveau vers toi, Thompson. Oui. Et il dit, toi, celui qui parle pour le groupe. Oui. Quelle preuve as-tu de la libération de l'enfant? Bien, écoutez... Ce n'est pas moi qui ai personnellement pris en charge l'enfant. Si vous voulez savoir où il est exactement, demandez à mes deux amis. Donc je montre 22 et Pat, parce que c'est vous qui avez pris en charge le gamin. Et c'est Pat. Donc Pat, bah, du coup Pat, et je te dis, bah, Pat, où est-ce que t'as amené le gamin? Bah en sécurité. Mais dis-le. Mais écoute, je pense qu'on n'est pas en position de faire quoi que ce soit. Dis-le et il a là, pas tu, encore je pense que... Moi, je suis pas en position de donner un gamin à un homme crocodile de 3 mètres. Non, mais clairement, je sens quand même que il est pas là pour faire du mal aux enfants, au contraire, si je puis dire. Bah. Je l'ai confié à une bonne sœur. Une bonne sœur? Oui. À la surface? Oui. Tu as donné cet enfant à la surface? Oh. Bah, il est en sécurité. Tu as promis souffrance et tourment à un jeune enfant. Il est en sécurité? Si je comprends bien, c'est bien cela. Non. La surface, c'est pas si... Non, je ne pense pas vraiment. Écoutez, je pense que... Nous ne savons pas ce que c'est que de vivre chez vous, sous Gotham. Nous ne connaissons que la surface et nous connaissons des endroits qui sont tout à fait vivables et en sécurité pour des enfants. Pour nous, c'est en sécurité, peut-être pas pour vous, mais... Mais nous avons fait au mieux pour pour nous, la sécurité de l'enfant. En tout cas. Gros gigot. Ouais. Monte me voir. Oh. Ok. Miam. Si j'avance en même temps que lui, est-ce qu'il réagit Bah tu vois qu'il te regarde. Si tu bouges en même temps, il te regarde. Genre, il te fixe. Je pense qu'il vaut mieux pas que t'y ailles. Alors moi, je suis chuchote, reculez. Il y a le trou derrière nous. Quoi? Il y a le trou derrière nous. Oui, bah reculé. Vous êtes sûr de ça? Ah non, mais moi je bouge pas. Hein. Moi, clairement, non, je bouge pas d'un poil. Ensemble depuis le début. Moi en tout cas j'avance parce que il fait un peu peur. Même si j'ai peur d'être mangé, donc si jamais Pat fait une action là tout de suite, je laisse. Mais si jamais il se passe rien, j'avance parce que j'ai un peu peur. Bah j'avance aussi. Toi qui sens les pâtisseries, arrête-toi. Si tu continues à avancer, je te mange en premier. Et bah justement à propos de ça, et là j'enlève l'espèce de houche d'un truc de guitare que j'ai dans le dos, et je dis, si vous voulez, j'ai un petit mets de qualité à vous proposer au lieu de manger mon ami. Pat, je t'aime. Qu'est-ce que vous en dites? Ça coûte rien de goûter. Donne ton plat à Gros Gigot, il va me le... Ah mais je peux vous le donner moi-même si vous voulez, je suis... Donne ton plat à Gros Gigot. Personne a des explosifs. Je pense que nous ne sommes pas en position de faire quoi que ce soit pour le moment. Gros Gigot, dépêche-toi. Oui, oui. Allez, allez. J'y allais, William, dépêche-toi. Allez, vas-y. Bon, ok. Thompson, je te bute si je survis. T'es con, t'es au courant. Non, mais en même temps, on n'est pas en position de truc. Vas-y. Très bien. Alors, sache que si je survis, je te bute. Non, mais t'es pas le seul à te faire. T'es pas le seul qui va te buter. Je te promets que je vais te faire réanimer. Hilal, il n'est pas encore mort. Non, Hilal n'est pas encore mort. Bon, du coup, je considère que William, tu es arrivé au pied de la. Oui, forcément, oui, j'avance du coup. Tout en chuchotant, je te buterai, connard. Les enfants qui sont au pied de la créature continuent à jouer, ils en ont rien à foutre. Voilà. Ah, j'ai coupé, mais tu as compris? Non, vas-y. Oui, j'ai juste bugué sur ces enfants, mais ça va. Non, les enfants qu'il y a à ses pieds. Oui. Les enfants normaux, hein, ils sont pas écaillés. Oui, mais ça m'avait fait bugger sur le moment, puis j'ai fait oui, non, mais en fait, c'est logique. Oui. Ah, oui, non, oui, d'accord. Donc, est-ce que Pat, tu lui as donné, je sais pas, quelque chose ou Oui, dis-moi qu'il y a des explosifs dans ta bouffe, s'il te plaît. Dis-moi que t'avais. Non, mais non. Je m'en fous de mourir, Enfin, non, je m'en fous pas de mourir, mais. je m'en fous un peu. Non, mais mon plan, il est nickel si William, il avance. Ah. Mais bon, c'est quoi ton plan? Mais explique-moi aussi, genre, dis-moi, mais genre, non, avance pas, c'est essentiel, fais un truc. Je peux pas t'expliquer. Alors là, je pas, pense que je vais faire si ou mi. Voilà. Bon, de toute manière, tu as avancé. C'est trop tard, William a avancé, tu ne peux plus faire ton plan. Bon, plan B. Oh putain. Bon. Balancez une grenade. Mais non, du coup, donc. Non, mais c'est pas, de toute façon, à part s'ils font des actions effectives, moi j'y suis, hein, donc j'attends. D'accord. C'est même pas ce qu'il veut. Il te regarde dans les yeux, William. Et il te dit. Toi, tu n'as donc rien à voir avec les enfants et le baron. Exactement. Est-ce que tu le jures sur ta vie? Oui, clairement. Est-ce que quelqu'un dans cette pièce jure aussi sur sa vie pour lui? Moi. Moi. Moi. Je vous aime. Très bien. Gros Gigot, place-toi à côté de moi, s'il te plaît. Genre, tout à côté? À côté du trône. J'imagine trop qu'il a quoi. Mais pas... Bon, tu as le totem d'immunité. Bon bah écoute, tu sais, il y a le regard désespéré envers mes amis, puis j'avance quoi. Hé, hey, j'espère que tu te souviendras que je me suis porté... Ta vie. On se connaît pas, je te rappelle. Gros Gigot. Oui, j'arrive, oui. A priori, tu as été mêlé à cette affaire par erreur. C'est probable. A priori, c'était ce Mike qu'on voulait. Ah, alors effectivement, moi c'est William. Je peux vous confirmer, c'est un connard. Ainsi, en tant que personne non liée à ce commerce, Tu me seconderas lors du jugement. D'accord. D'accord, putain. Si je trouve que ton jugement est corrompu, je te dévore. Ok, ça va. Je suis pas très corruptible comme mec, donc... C'est un comptable à la place. Ouais, je suis un comptable, moi, donc vous savez, la corruption, tout ça, ça va. En gros, si t'es pas d'accord avec lui, oui, c'est ça, en gros. Corrompu, ça veut dire pas d'accord. L'homme qui parle pour le groupe. Oui. Tu m'assures donc, et... Enfin, tu m'assures donc que vous n'avez pas pris part volontairement à ce commerce d'enfants. Non. Ni toi, ni l'homme, ni les hommes à tes côtés. En tout cas, par rapport à mes amis, oui, qui sont, et donc je monte Pat et 22, et je dis que cet homme-là, nous ne le connaissons pas. Gigot. Oui. Est-ce qu'ils t'ont déjà parlé de cette histoire? Alors, rapidement, c'était après que c'est arrivé. Est-ce qu'ils t'ont parlé de l'enfant? Oui, je crois, j'en ai parlé. Oui, rapidement, ils m'ont dit qu'ils avaient eu une mission annexe par rapport à nos activités habituelles qui n'ont rien à voir avec ça. Et ils nous ont dit, c'était l'homme, j'indique du coup pas du doigt, si le groupe est d'accord, hein, mais c'était Pat. Et ils m'ont dit que ils ont eu un colis plutôt étrange avec un enfant et que du coup il s'était occupé du coup. Après j'ai pas demandé plus de détails que ça, mais Est-ce que l'un d'entre vous sait où se trouve le baron actuellement? Je suis un signe de non de la tête. On peut peut-être deviner où il rejoint les personnes, mais on ne peut pas être sûr. On peut lui donner l'adresse du hangar. L'adresse du hangar où on était, ouais, c'est ça. D'accord, on peut lui donner l'adresse. Ces gars, ils viennent. Ils viennent plus depuis. Il y avait deux gars qui venaient, mais ils viennent plus trop ces derniers. Enfin, ils viennent plus du tout. Ou même. Ces derniers temps, mais il y a peut-être de par chemin. Pourquoi ils ne viennent plus? Je sais pas. Je sais pas, ils sont conseillés des employés de fast-food. La chaîne du coin, là, les... Ils sont morts et le trafic d'êtres humains a été découvert par la police. Ah, oui. Je m'en souviens, Pat. C'était très amusant. Toi, l'homme qui n'est pas concerné par le groupe, tu vois qu'il te montre à toi, Hilal. Quelles sont tes excuses pour avoir pris part à ce commerce? Mais je savais pas, monsieur. Pour moi, j'accepte les colis de tout le monde. C'est pas très légal, mais ils m'ont laissé de l'argent. Je m'occupe, je mets le colis dans un lieu sûr, et puis ils reviennent le chercher plus tard. Je n'ai pas le droit de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, sinon je me fais tuer. Je savais pas. Et on n'est pas mort. Mais moi, on vient me le reprendre après, mais... Est-ce que tu as une preuve? Quelque chose de convaincant? Faudrait que je remonte à la surface, mais là, j'ai pas grand-chose sur moi. Gros gigot. J'ai les clés du local où... regardez. T'es marqué. Tu sors les clés de ta poche? Ouais. Il y a la petite étiquette. Jette-les à mes pieds. Local pour enfants. Oui. Je vais te lancer là, ça fait dans la tête. Dans l'œil. Fais-moi un petit jet de lancer. Ah, le game a transpiré. Attends, j'ai mis des points. Oui, t'as mis des points, Il lance les dés, il transperce la tête. Ouais, mec, bah, voilà. Moi, je dis fait critique, il transpercera des enfants. Vas-y. 13. Ça porte pas l'heure, mais c'est bon. Ok, très bon. Donc, du coup, tu jettes les clés à ses pieds. Et il regarde les clés, et ensuite il dit « Gros gigot ». Oui. Est-ce que tu penses... Enfin, est-ce que tu connais cet homme ? Non, pas avant aujourd'hui. Est-ce que tu penses que son histoire est crédible ? Difficile de juger. Son histoire qu'il ne savait pas ou... Oui. N'influence pas. Ah ouais, non, et là, tu sais, il y a la partie gauche de mon cerveau en mode oh, ça va, tu peux dire que ça passe, ta partie droite, il va te bouffer, mec. Non, mais sois honnête et puis c'est tout. Hein. Voilà, alors, j'ai pas d'avis, enfin, c'est-à-dire. Oui, enfin, genre, sûrement qu'il a jamais fait gaffe de prendre conscience de ce qu'il y avait dans les boîtes. Après, personnellement, je trouve ça quand même un peu faible, sachant que bah, nous, notre groupe, était face à ça qu'une seule fois et ils ont plutôt bien réagi. Désolé. Est-ce que je peux me permettre, monsieur, en admettant, par exemple, que je devais travailler pour vous, si l'on me confiait une boîte en m'indiquant strictement que je ne devais pas l'ouvrir, eh bien je respecterais votre décision, bien évidemment, et je m'acquitterais de ma tâche sans aucun souci, en respectant les règles. Je pense pas que cet homme... Je crois qu'il est amoureux. Donc tu penses qu'il dit la vérité ? Je pense qu'il dit la vérité, ça a l'air d'être quelqu'un d'honnête. Pourtant vous l'avez ouvert, vous, cette boîte. Oui, mais parce qu'il y avait des pleurs d'enfants. Il les a sûrement entendus si on les a entendus. Peut-être qu'il est bouché. Il est un peu vieux. Est-ce que tu as déjà entendu des pleurs ? Jamais. Enfin, je sais pas. Non, a priori, non. Entendu ? Non. Ok. Gigot ? Oui. Oui. Coupable ou non coupable ? Oh putain. Pourquoi c'est moi ? Ai-je droit à 2 minutes de réflexion histoire de bien peser le pour et le contre, mon cher ? 2 minutes rapides. Ok. Alors attends. J'appelle un ami. J'appelle le Phoenix. Est-ce qu'il a le droit de demander le vote du public ? Attends, ouais, j'avoue, on a le droit au vote du public. Non. Attends, mais... oh là là, mais attends. Mais c'est le truc, c'est que je suis sûr, en fait, il a déjà sa réponse, tu vois. Genre, il sait ce qu'il veut faire. Et si, genre, je lui dis l'inverse, il va me bouffer, genre, c'est vrai, je vais faire bah non, et faire t'essayer de sauver tes amis, ta peau, bam, je te bouffe. Donc je vais faire bah oui, il va faire ah bah oui, t'essayes de le sauver, bam, je te bouffe. Mais à la limite, tu pourrais dire. Bah non, de toute façon, tu pourrais pas dire. Oui, je peux pas t'entendre, on fait pas de téléphatie. Voilà, on n'est pas censé discuter. Mais j'ai froid. Disons que je réfléchis à vote de manière. En vrai, c'est. Putain. Et pourquoi il demande ça à moi ? Moi, j'ai rien demandé, je voulais être comptable. Avec moi, ça serait plus simple. Oui, mais moi, je. Non, tu dois trancher. J'ai quasiment tué personne, moi, dans ma vie. 5, 4. Non, déjà, ça serait logique. C'est vrai que, à la base. Ok, ouais. À la base, je suis pas quelqu'un d'ultra empathique. C'est-à-dire que, enfin, genre, quand les éléments s'aggravent comme ça, je perds le contrôle. Mais. Vu qu'il m'a laissé 2 minutes, je peux respirer. Je me dis, mec, il faut que tu survives. On va dire qu'il est coupable. Voilà. Parce que franchement, nous, notre groupe est tombé dessus une fois et. Mais. Et eux, ils ont le ghost, enfin, pour eux. Alors que lui, tu vois, genre, il s'est jamais dit. Oui, mais nous sommes des héros. Oui, alors, écoute. Des héros de quoi ? C'est relatif. De quoi on est des héros déjà ? On est des criminels. On est des héros de rien du tout, on veut survivre dans Gotham. Robin des Bois aussi est peut-être un criminel. Oui, sauf que la différence, c'est que Robin des Bois ne torture pas les gens, il ne vend pas de la drogue. Il ne fait pas avec la mafia locale. Et en même temps, ce que tu peux faire, c'est tu prends ton dé exactement de sur 100, tu jettes ton dé. Si t'es dans les 25, tu dis qu'il est pas non coupable. S'il est en dehors, il est coupable. Putain, et en vrai, Gossed, je t'aime parce que c'est totalement. Non, franchement, voilà. Gossed. Ta vie ou sa vie, c'est une Gossed. Gossed, dans la vie, tu es quelqu'un de bien. Il a la ta vie. Il y a combien de mètres qui nous séparent de lui et nous de hauteur ? Il doit y avoir. De 2 mètres 50 de hauteur, la différence. Ouais, tu peux pas y arriver, quoi, c'est pas possible. Enfin, il y a des escaliers sur les côtés de l'arche. Donc... Il y a des escaliers. Bon, 3 okay. mètres, je pense qu'il va très vite. Hein. Ok, bon bah voilà. Mais juste, on est placé comment du coup ? Il a sa décision, vous voyez ? Ah. Enfin, ça me fait extrêmement flipper parce que si je meurs là-dessus, ça serait une belle fin, mais ça me. Ah, mais au moins tu respectes les dés. C'est les décisions des dés. Voilà. J'ai peur. Alors, coupable ou non coupable ? En fait, William, c'est le futur double face. Non, ça c'est un autre cas. Allez, dis-nous la réponse. J'attends qu'il me fasse. J'attends le signal du grand chef écaillé. Alors, après mûre réflexion, je pense que quiconque est un peu à l'affût aurait pu au moins vérifier. D'accord, surtout avec des enfants, parce que bah, ça s'entend, des enfants. Et je pense que s'il aurait vraiment été consciencieux, comme notre groupe, il serait directement tombé dessus, il aurait entendu. Du coup, je pense qu'il est coupable. Mais puis-je prendre ma défense ? Tu peux. Hein. je tiens à signaler que, étant donné que ces personnes connaissent mon lieu de travail, qui est ma résidence. Pensez-vous vraiment que, même si je l'avais découvert, que j'aurais pu, honnêtement et en toute franchité, le même aller voir lui donner une meilleure existence, l'adopter, je ne sais pas, mais s'il vous plaît, moi je suis une fille. Je suis en plein divorce. Silence. Gros gigot. Oui. Est-ce que tu penses que ces excuses invalident ton jugement ou est-ce qu'ils le valident ? Alors, ça dépend. Ben, est-ce que je suis RP ou ouais ? Bon bah de manière totalement RP, non. Enfin ça invalide pas du tout le jugement. Enfin il vient de dire littéralement s'il aurait été au courant il aurait rien changé. Oui. Putain je t'aime. William, t'as une dette, j'ai une dette envers toi. Putain c'est pas bon ça. Très bien. Après peut-être en tant que joueur j'ai mal entendu mais pour moi c'est ce qu'il a dit hein. Il a dit si jamais si jamais j'avais oui, été ça, ces personnes connaissaient oui mais le travail comprend, et m'aurait descendu le commerce aurait continué avec totalement une autre personne qui aurait servi juste de notre point de relais. Oui non mais écoute y a pas de problème. Quelle est ta défense finale? Écoutez, moi-même, j'ai une fille, même si elle est âgée, j'y tiens, et je sais ce que c'est d'avoir un enfant. Je serais jamais capable de lever la main sur des enfants. Je suis pas un monstre, je suis pas un esclavage. tu pas un génocidaire écoutez. Je suis prêt à donner le mien en échange de ma vie. Mais quoi, justement. Je suis... Est-ce que tu serais prêt à sacrifier ton enfant ? Non. Désolé. Très bien, reste silencieux jusqu'à la fin pour l'instant. Passons au suivant. Il tourne le regard vers Sirius, l'homme qui était avec vous. Ouais. Vous l'aviez oublié. Oh putain, oui. Il existe. Et il dit, toi, parle. De quelle manière es-tu lié à ce commerce ? À quel niveau et qu'as-tu fait ? Et Sirius, lui, qui est toujours à genoux, hein, qui était déjà en train de pleurer pendant que Hilal se faisait juger. Genre, il pleurait autant que Hilal qui voyait sa mort. Et il fait, je savais rien, monsieur, je promets, jamais par... J'ai été pris par erreur. Je suis comme Gros Gigot, moi. Je vous assure. J'ai pourtant cru comprendre que tu avais travaillé à maintes reprises avec le baron. Y a-t-il quelqu'un pour confirmer ces dires ? Si je peux me permettre, il me semble me souvenir que cet homme nous a avoué à penser que les cartons contenaient de la drogue. Confirmé, nous avions dit ça. Ce qui est plutôt cohérent dans une ville comme la nôtre. Continue à parler, toi, l'homme. L'homme. L'homme qui parle pour le groupe, qu'as-tu à dire ? Écoutez... Si tu mets les gosselets de partir en crabe. Je m'appelle Sébastien. Oui. Non, effectivement, Sirius nous a accompagnés, mais je pense plus que il était là pour uniquement guider les gens que vraiment participer à une transaction quelconque. Il a passé le plus clair de son temps à nous conter les divers légendes des sous-sols plutôt que de nous parler de troc ou de je ne sais quel business en cours. On sent clairement qu'il est dans un autre monde. Qu'as-tu de plus à dire, l'homme nauséabond ? Non, c'est Sirius. Sirius. Et Sirius fait... oui, ils disent la vérité. Je pensais que c'était de la drogue. Et bon, d'accord, j'ai déjà travaillé avec le baron. J'étais pas au courant pour les enfants. Je veux dire, je suis pas au courant de grand-chose. Moi, je suis pas très haut dans la hiérarchie, je vous promets. Est-ce que tu sais où se trouve le baron en ce moment ? Non, je vous jure, depuis que les flics ils se sont intéressés à cette histoire, ils ont disparu. Lui, Mike, deux, trois autres gars. Est-ce que tu es sûr ? Oui, je vous jure, je sais pas. Je sais que ils ont discuté avec d'autres personnes, mais je sais pas qui, je suis pas au courant de ce genre de choses. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée peut confirmer ce qu'il dit ? Je le note. C'est-à-dire qu'il ne sait pas grand-chose ? Tout oui, ce qu'il a dit. Ce n'est qu'un guide, en fait. Bah, si j'en crois tout ce qu'il a fait pour nous, je pense que oui, il ne doit pas être au courant. C'est quelqu'un qui a l'air d'être au plus bas de l'échelle, qui a un sous-fifre, quoi. Si je me souviens bien, il était même pas sorti pour une carrière en guerre. Le baron n'avait même pas sa gueule. Oui, pour moi, c'est plus un sous-fifre, pour le baron, c'est plus de la vermine. C'est quelqu'un qui connaissait le sous-gotamonde. Il est plus en esclavage qu'autre chose. Combien de voyages as-tu fait avec des colis? Pas beaucoup, je vous promets. Vraiment pas beaucoup. Combien? Une vingtaine. 20 enfants. 19. 19. 19 enfants que tu as promis à la mort. Non mais je vous jure, je savais pas. Ils étaient... Je pensais vraiment que c'était de la drogue. Je sais pas. Des trucs. Que je peux me permettre d'appuyer sa défense. Comme vous l'avez vu, même moi, je n'ai pas été capable d'entendre ne serait-ce qu'un cri de bébé, alors que je ne sais pas combien d'échanges j'ai pu faire. Tellement de personnes viennent me déposer leur colis que c'est... Je ne peux pas tout noter, mais... Hilal, tu te fais interrompre par Sirius qui fait « Oui, moi j'ai entendu les bruits, c'est impossible de pas les entendre. Il ment sûrement, c'est lui le coupable. Oh » Oh là là. Quoi tu me dis que tu as entendu les bruits? Il ment. Et tu ne t'es pas posé de questions? Je voulais pas dire ça. Je vous promets, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai paniqué, je veux survivre. Le MJ, il veut bouffer quelqu'un. Tu as entendu, pendant 20 voyages, le pleur des enfants. Et tu n'as réagi nullement. Puis, pour ta propre survie égoïste, tu accuses un homme que tu ne sembles même pas connaître. Gros gigot. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, coupable. Bonheur. J'ai plus de tête envers toi. Je suis sûr que c'est moi qui vais me faire bouffer, hein, si t'es pas d'accord. C'est pas toi, hein, connard. En même temps, j'avoue que là, il s'est un peu niqué tout seul. Hein. Non, mais là, c'était de la drogue et... Non mais mec, il a dit si mon jugement est corrompu, il me bouffe. Le mec il vient de dire oui, non mais j'ai entendu les bébés, mais j'ai rien foutu, tu fasses quoi? Oh, le bah, oui bah, bien sûr, moi je veux survivre. Le pas défendrais-tu moi. De ta vie? Oui, oui. Très bien. Toi aussi, reste immobile et attends la fin. Maintenant, toi, l'homme qui sent le sang. Moi? Oui. Bah oui. Oui, bah forcément, oui. Qu'est-ce... Bah oui, je suis con. Tu sais, il pose une tête décapitée. Qu'est-ce que tu as à me raconter? Quelle est ta défense? Comme je l'ai dit, j'étais avec le bébé. C'est moi qui j'ai aidé avec Pat, donc je prends Pat, à exécuter les deux personnes qui transportaient le bébé. C'est moi qui les ai tués. Alors, c'est une idée. Tu m'as payé pour. Pour moi, c'était aussi mon boulot. Moi, je te servais à rien. Qui parmi vous a tué mon serviteur? C'est pas Mike. Je vois. Et un mes chers DVD, ça va. Est-ce que tu avais entendu les pleurs? Oui. Non, pas moi. MJ, je sais plus. Il non, me semble que je les avais pas entendus. Non, je les avais pas entendus. C'est Pat et moi qui avons entendu. J'étais à l'étage, il me semble. Et après, on te l'a dit, mais. Ouais, il me l'a dit après. Quand tu as reçu la mission de ce colis. Oui. Qu'en as-tu pensé? Que pensais-tu qu'il y avait dans le colis? De la drogue, classiquement. vous savez, j'ai mon petit commerce à côté, pour moi c'était plus ou moins classique. C'est juste quand j'ai un peu passé sous Gotham, je trouve ça un peu bizarre. Mais j'ai préféré pas en trop en savoir non plus, pour préserver mon innocence. Quand tu as appris que c'était un enfant, oui. Qu'as-tu ressenti? Ce que j'ai ressenti durant mon enfance, moi. Qu'as-tu ressenti pendant ton enfance? Quelqu'un qui a été maltraité. Ici même, sous le Gotham. On dit pas trop. Non mais ça c'est pas de mystère. Est-ce qu'ils sont morts? Qui? Il parle de... Les gens qui t'ont maltraité en tant qu'enfant. Oui. On était 300, je suis le seul reste. Gros gigot. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Alors, lui est plutôt honnête, hein. Ça se voit qu'il a beaucoup souffert dans son enfance. Et moi, je, si vous me demandez, je dirais non coupable. Tu le connais depuis longtemps, gros gigot? Si ma mémoire ne me joue pas de tour, je dirais environ un mois à peine. Ça fait 3 mois. Ok, ça fait 3 mois, pardon, j'avais plus les dates en tête. Putain, ça fait déjà 3 mois, putain. Ça, c'est... Et oui, le temps passe vite. Voilà, 3. Le temps passe. Est-ce que tu es sûr que le temps passé avec lui n'obscurcit pas ton jugement, gros gigot? Ah, il n'obscurit pas, en fait. Au contraire, je pense qu'il l'affine, parce que j'ai pu vraiment voir les dégâts que lui ont fait son enfance. Et il... Et ça lui a fait de sacrés dégâts. Donc, non coupable, c'est ça? Tu vois que je lui ai la tête. Très bien. Pour moi, clairement, vu ses dires et leur réaction face à la situation, je pense que oui, non coupable. L'homme qui parle pour le groupe. Oui. Est-ce que tu as quelque chose de plus à me raconter que ce que tu m'as déjà dit? Il me semble que j'ai déjà beaucoup raconté. Je pense avoir tout dit. Si j'ai bien compris, c'est toi qui es à l'origine de la volonté de sauver l'enfant. C'est ça. C'est toi qui as tué les deux hommes pour récupérer l'enfant. Non, je n'ai pas tué les deux hommes. En fait, mes deux compagnons qui sont là ont pris en chasse de manière furtive les personnes qui avaient l'enfant, et moi je désirais suivre ces personnes pour savoir jusqu'où ils allaient et pouvoir connaître l'emplacement exact de leur cachette et peut-être agir plus tard. Et mes amis ont devancé là et ont pris les devants et ont tué les personnes sans avertissement. Voilà. Quand tu as appris que c'est un enfant, oui. Qu'as-tu ressenti? Comment dire ça? De la colère. Genre, pour moi, toucher un enfant est inadmissible. Autant faire du business, voler, mais tuer des enfants, c'est quelque... enfin, ou s'en prendre à un enfant, c'est juste inadmissible. Voilà. Gros gigot. Oui. Tu le connais aussi depuis 3 mois? Oui, je les ai rencontrés en même temps, en fait, tous ces hommes-là. Qu'est-ce que tu penses de lui? De manière générale? Ou par rapport à son... Son plaidoyer. Il me semble honnête, parce que c'est un... Bon, premièrement, c'est quelqu'un de droit qui, contrairement à l'homme qui sent le sang, n'a pas eu une enfance très difficile et ça évite certains débordements. Et c'est quelqu'un d'assez prudent, donc ça m'étonne pas qu'il ait eu l'intention de jouer à sécurité par rapport au colis avec moi. Non coupable alors ? Je vérifie que mon jugement n'est pas... Vérifié. Et je le pense honnêtement non coupable. L'homme qui sent les pâtisseries. Oui. Quel est ton plaidoyer ? Bien, c'est très simple. Si j'avais pas été là, mon frère serait mort. Voilà. Il drop the mic. J'avance un drop de mic à la folie. Comptes-tu développer ou dois-je déjà demander à Gros Gigot ce qu'il... Eh bien, c'est moi qui a insisté pour ouvrir la boîte. C'est moi qui ai vu l'enfant. C'est moi qui ai payé mon collègue qui sent le sang pour qu'il m'aide à abattre les deux hommes. C'est moi qui ai tué le premier homme avec une arme à feu et c'est moi qui ai écrasé la tête du deuxième contre le sol avec mes propres mains. Et c'est moi qui ai mis l'enfant en sécurité. C'est moi qui ai fait disparaître les morts. Bisous. Qu'as-tu pensé quand tu as découvert qu'il s'agissait d'un enfant ? Eh bah, j'ai pensé à mon fils et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le protège. Et les deux hommes qui pour moi étaient une menace, je les ai tués. Et là il te dit, du con, ça fait 2 semaines que j'ai pas mangé à cause de vos conneries. Moi non. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi ? Ah, je bug ou quoi ? Non, il t'a répondu, c'est juste... Je bug ? À répéter, et tu... C'est, il commence à bugger, tu... Ah. As-tu quelque chose à répéter ? As-tu quelque chose à rajouter ? As-tu quelque chose à rajouter ? As-tu quelque chose à rajouter ? Tu commences à partir. Ah, donc il a dit non ? Oui, il a dit non. Il a dit non, c'est ça ? Il a dit non. Il a dit non. Putain, attendez, j'ai l'impression que je perds une phrase sur deux. J'ai dit non. Que tu m'entends veut... Tu es un gros connard. Non, ça je l'ai pas raté. Putain veut... Grand gigot, je te bouffe. Il veut rien rajouter. Grand gigot. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cet homme que tu connais depuis 3 mois aussi? Son plaidoyer est très concis. Sans être sûr de ses arguments. Et il me semble qu'aucune personne ici a... contredit, c'est dire, vu que c'est un homme de combat, je ne sais pas s'il a des enfants ou pas, je ne le connais pas assez, mais il me semble honnête aussi dans ses propos. Donc, non coupable. Oui, André fait partie du groupe qui ont voulu sauver l'enfant. Et vu que... Que ceux qui ont été déclarés coupables fassent un pas en avant. J'avance. Sirius aussi avance. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Puis-je bénéficier d'un quelconque temps pour y réfléchir ? Non. Quelques secondes. Maintenant. Bien. Je veux retrouver ma fille. Et puis je ferai jamais de mal à un enfant. Et je vous jure que... Tout ça me dépasse. Je sais pas quoi. dire quoi en penser. J'ai sûrement fait des choses horribles dans ma vie et je suis sûrement peut-être un monstre. Mais je suis pas capable de... Non. J'en peux plus, monsieur. Honnêtement, je vous le dis. Mais j'ai... Si, je comprends. Je suis crevé d'être. Silence. Et là, tout ce que je voulais, c'était gagner de l'argent. Si je comprends bien, tu as appris la vérité aujourd'hui. Oui. D'après tes dires, en tout cas. Qu'as-tu ressenti quand tu as découvert qu'il s'agissait d'enfants? Je sais pas, une trahison, une blessure, mais si c'était arrivé à ma fille. C'est un monstre, combien d'enfants j'ai déjà eu? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose de vraiment mal dans ta vie? Oui. Quoi donc? C'était il y a longtemps. C'était... On était dans un village et... Ils nous avaient bombardés pendant 3 mois, alors on n'avait pas mangé depuis des semaines. On en avait marre. On les a tous butés. Tous. Tous. Silence. L'homme nauséabond. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi aussi? Sérieux, lui, qui était à moitié par terre, en train de vomir son âme, il relève le visage et... Je vous jure, je savais pas, et je... C'est sûrement un complot, c'est la seule raison. Je pense que c'était peut-être le Léviathan ou quelque chose. Il a toujours voulu mon âme. Silence. Quand tu as découvert que c'était des enfants, qu'as-tu ressenti? J'étais triste. Gros gigot. Je ne te demande pas lequel est coupable. Je te demande lequel a eu le meilleur plaidoyer. Je pense qu'il s'agit de l'homme là. Quand il a du doigt. C'est-à-dire que... Enfin, c'était compliqué, les deux étaient nuls, mais... Toi, l'homme qui a eu le meilleur plaidoyer. Oui. Bonjour, premier. Tu es un monstre. Un monstre ignoble. Et tu ne mérites nullement de vivre. Ne serait-ce qu'une seconde de plus au soleil ou à la lumière de la lune. Tu es un monstre. Cependant... Ah, attendez, deux minutes. Ah non, c'est bon. Cependant, je crois au fait que tu n'aies pas entendu les enfants. Et moi-même, en tant que monstre. J'accepte de te laisser la vie si tu abats le véritable monstre dans cette pièce. Il tire sur le... L'homme nauséabond. Tue-le maintenant. Avec une arme blanche. Je vais pas prendre ma chaise. Je veux le voir mourir. Je ne fais pas ça, c'est abaissé. Je prends mon surin et m'avance doucement. Tu vois que Sirius, il fait quelques pas en arrière. Non, je vous en supplie. Je voulais pas vous accuser. Ça m'est comme ça. C'est... J'ai pas fait exprès. Vous ne me faites pas de mal. Je vous dirai des secrets sur des trésors qu'il y a dans les... Des choses secrètes. Il y a pas un... Tiens, est-ce que tout à l'heure t'avais fait un jet de quoi, toi, chez Dorban? Attends, un jet de... Empathie. Est-ce que je remets mon... Sachant que moi j'ai une empathie très faible de base. Parce que... Moi aussi, mais moi totalement, mais moi aussi. Vous savez, on est pas tous des petits copains. Enfin, moi personnellement. 25 pas 0. Allez. Audi. Ah, je sais pas quoi choisir. Hein. Allez, Audi. 35. Bon bah. Avec difficulté, on va dire. Je le saisis par le col. Non. Et je fais... Oh, suffit. Désolé. Puis... Et tu un coup souris. Dans... Tout ça. Je lui fous un coup dans le ventre, et puis... je le garde dans mes bras. Par contre, quand il meurt et quand il vide de son sang. Plus de coups. Je moi, recommence. Donc tu recommences. Et encore. Encore. Je recommence. Encore. Et il continue. Encore. Encore. Je fais. Et une fois que tu lui as bien ouvert le bide à force. Hein. Toi, William, tu sursautes. Parce que Dieu se lève. Et il descend par un escalier. Non, il ne saute pas. Non, mais il nous aurait fait tomber si c'était. Dois-je le suivre? Bah. Il t'a pas fait signe en tout cas. Je lâche le corps. Et. Bon, je reste en haut. Je lâche le corps et les mains pleines de sang et tout. Je fais comme Elias dans Platoon et je lève les mains au ciel. Il s'approche du corps. Il t'écarte, il a d'un revers de main pas très gentil. Il saisit le corps et il s'approche du gouffre. Il se retourne vers vous et il dit... Mes fidèles vous mèneront à la sortie. Oh, il est plutôt sympa. Sympa. Puis il saute avec le corps dans le trou. Et rapidement vous entendez un bruit de... Ah, j'ai bugué. Non. Un bruit de plongeon dans de l'eau. Et alors que vous êtes dans un moment de silence, peut-être que vous voulez dire quelque chose. Je descends. Moi je regarde d'un côté du trône s'il n'y a pas un objet intéressant. Oh l'autre il vient de trembler. Non mais t'as juste envie de te... Non, il n'y a rien, mis à part des jouets. Voilà. Ouais, non, j'ai évité de voler cet homme aussi. Est-ce qu'on lui rend ses tenues? Est-ce qu'il demande à ce qu'on lui rende ses tenues? Il a rien demandé, il est parti. Moi je m'en débarrasse. Oui, mais toi déjà, il va venir choper dans une semaine, hein, t'inquiète. Cette tenue et je la replie super bien. Non mais c'est ça quoi, enfin, moi je propose, on lui laisse, mais alors... Bon, allons-y, barrons-nous. Ouais, non, toi, et oui, rapidement, un des hommes, un des vieillards avec une lampe s'approche de vous et vous dit « Suivez-moi, je vous amène à la sortie. » Ok. Oh, putain, allons-y, suivons. Je vais pas dormir pendant les 35 prochaines années. Tu veux peut-être un truc qui te fait dormir? Pas par toi. Donc on le suit et effectivement il nous mène à... Vous suivez, vous traversez les couloirs et rapidement il vous amène à une sortie qui est une bouche d'égout. Et vous remontez cette bouche d'égout pour vous retrouver tout simplement dans un des quartiers pourris de Gotham City. Lequel? Oh. Oh, eh bien, il pas été dans le vieux Gotham. Ah mais c'est chez moi ça. Alors au moment où je sors la tête et que j'arrive à l'air libre, je fais... ça se fait du bien. Moi je pleure un peu. En fait, c'est genre l'air du vieux Gotham, donc à un moment tu craches aussi. Oui mais non, mais ça fait quand même plaisir de sentir cette bonne air polluée de Gotham. C'est ça, alors que vous prenez ce bon air qui brûle bien la gorge. Moi j'ai envie de courir ce 22 et il a dans la même rue, moi je cours. Hein. Justement, moi, dès que tout le monde est sorti, je m'allume une petite clope. Et puis, comme de rien, cité. Sato. Attends, laisse finir Ilal. Et puis, au bout d'un moment, quand vous commencez à partir... Moi je rentre chez moi. Je gagne mon flingue et je commence à tous vous flinguer. Voilà. Très bien. Donc je vais te demander combien de kills. 1, 2, 3, 4. Je vais te demander 4G d'armes de poing. 4, mais on peut pas réagir. Alors moi je m'en fous, tu sais, Sato. Genre, vous allez pouvoir réagir, mais disons que le premier coup en tout cas sera. C'est ce qui vous alerte quoi, le premier coup. Non. Par contre, finir la campagne comme ça, c'est très mauvais. Ton scénario est nul, hein, zéro. Sato, je peux poser ma question. Ça passe, le premier. Écris les chiffres, s'il te plaît. Ah, ok. Sato, est-ce que je peux poser des questions? Oui. Est-ce qu'on est sorti par l'endroit où j'ai fait le truc? Non. Ok. Déjà, j'aurais bien aimé savoir dans quel ordre on est sorti. Ça aurait été intéressant de savoir qui... Et j'aimerais... Alors... Je vais en... Alors, tu vas me dire dans quel ordre tu les tires, mais c'est pas en rapport avec... Quoi ? Dis-moi dans quel ordre tu les tues, mais c'est pas en rapport avec l'ordre dans lequel t'as jeté. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas de... J'ai pas très bien compris, excuse-moi. Je te dis dis-moi l'ordre. Dis-moi l'ordre dans lequel tu leur tires dessus. Non, genre qui, sur qui tu tires dessus en premier et tout ça. Mais je te préviens que c'est pas en rapport avec l'ordre de tes jets de dés. Ok. Yamato, William, Paul. Puis, non, pas... Tiens, je vais le laisser... Non, mais non, 3. Non, t'as dit que tu tirais sur Pat, 3. Tu tires sur tout aussi. Non, je le laisse. Non, t'as dit que tu tirais, désolé. Emily. Bah, écoute... Tu tires sur tout le monde. Bon, écoute, t'as fait 3G, donc je compte les 3G. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier G qui est tiré dans la direction de 22. Et le jet est tiré. Enfin, la balle est tirée. 22, tu reçois une balle dans le dos. Tu tombes au sol. Tu n'es pas mort, mais tu as été propulsé par le choc. Enfin, tu es tombé à côté du sol. On est près de chez moi ou pas? Pas près, non. Non, donc je peux pas. Si je peux c'est vraiment le gros choc. C'est pas juste la balle et tu peux... C'est... C'est pas la balle qui fait que tu vas pouvoir recourir, quoi. C'est genre... Okay. C'est la balle qui te met bien par terre pour un petit moment. Okay. Rapidement après, bah les autres, j'imagine que vous sursautez bien votre race. Et je vais vous demander à tous les autres qui sont visés, de... Enfin, non, tout le monde, même pas, t'écoute. De faire un jet d'extérité. C'est un D1. J'ai fait 7 sur 15. Oh, bah c'est bon. Très bien. Donc simplement, une balle est tirée, 22 tombe au sol. Vous, il y en a certains qui juste sursautent et se jettent sur le côté, d'autres qui se mettent à terre. Ce qui est important, c'est que... Alors c'était qui la deuxième personne déjà ? C'était ? William. William. Le plus important, c'est que William est lui aussi touché dans le flanc. Je suis sûr qu'il triche sur les jeux. Voilà. Et oui, sinon, on serait tous pris des one shots, on serait bon. Et Thompson, lui, ne se fait pas toucher par l'autre tir. Ah, j'ai bugué. Oui, Thompson ne se fait pas tirer, toucher par l'autre tir. Ok. Vous avez droit à votre action, bien sûr. Ah bah moi je lui tire dessus direct hein. Attends, je suis pas un peu plus près de lui hein. Mais on sait pas qui est sorti en premier. Alors, on oui, sait pas c'est ça. Mais du coup vous allez partir et enfin vous allez dire bah moi je m'en vais donc j'ai dû le faire vite. Comment je vais lui donner de quoi se laver, s'essuyer les mains, un truc comme ça genre. Allez, on va dire que c'était... Ça passe, allez. Les dés ont décidé que ça passait, donc t'étais le plus proche. Bah moi, je veux essayer de lui choper la poignée et lui mettre une gigantesque droite pour le... D'accord. L'admire. Moi, je propose la torture par 22 et de manière très longue. T'inquiète pas. Alors, Pat, je vais donc te demander un jet de lutte qui va... Non, pas de lutte, de... d'arts martiaux qui va s'affronter avec le jet de lutte de Hilal. Arts martiaux, je devrais pas rater. Oula. Moi aussi. Alors. DM. Ouais, attendez, qu'est-ce. Oulala. Oulala, c'est pas bon. 96. 96. Oh là là. Ouais. Oh là là. Ah non mais c'est bon là j'ai fait le 2 sur j'ai fait le 2 sur 22. C'était le destin mais là le 96. Oh là là. 96. Ouais. Ah c'est l'échec critique là même. Ah oui c'est l'échec critique. Bon bah ce qui se passe c'est que Pat tu fais ta prise de ouf. Tu lui fais lâcher l'arme et tu lui as sûrement même fait craquer le poignet genre tu lui as cassé le poignet avec le. Hilal, j'imagine que tu hurles bien de douleur. Non, stoïcisme. Ah oui, fais-moi un jeu de stoïcisme, allez, pour voir si tu... Est-ce que moi aussi, j'en... Si tu souffres avec la classe ou pas. Non, mais toi, t'as pris une balle. Non, ouais, c'est pas ça. 19, ça passe. D'accord, donc tu te fais casser le poignet, t'as quand même le... Parce que bon, t'es pas un surhomme, donc... Oui. Mais tu souffres bien et vous avez donc un Hilal qui a priori vient de perdre son arme. Est-ce que vous voulez commencer à la battre ou quelque chose? Non mais attends parce que là il lui a empêché de truc mais après il disait qu'il a enchaîné une droite dans la gueule. Oui, ah oui c'est vrai j'avais oublié ça. Eh oui. Et bien du coup ça marche avec le même jet donc ce qui fait que tu lui fous une bonne droite dans la gueule. Hilal tu tombes en arrière. Et tu prends aussi la douleur d'avoir le crâne qui tombe sur le sol. Et t'es à moitié plus là, quoi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Et dans ma chute, je garde quand même le petit sourire, un petit sourire narquois, tu sais. Le... Non. Petit sourire. Moi, je m'approche de lui et je le tue pas, mais je le ligote quoi, c'est genre en mode farce machin, et hop, qui peut plus bouger, et pour qu'on s'occupe de lui un peu plus tard. D'accord. Je vais voir les autres pour voir comment ça va. Tu disais Pat après. Moi je dis à Thompson que je voudrais bien le livrer au flic. Non, il peut nous dénoncer. On connaît pas nos noms. Non, on va régler ça entre nous. T'inquiète pas. Non, mais on va régler ça entre nous et puis ça, c'est tout. Et déjà, allons nous occuper de 22 et William, ils sont blessés, faut les emmener. Très bien. Donc, eh bien, c'est ainsi que cette partie se termine, avec 22 et William blessés. Hilal, qui a survécu au jugement de Dieu, mais qui pourtant a été tué par sa rage. Et Thompson et Pat qui s'en sortent plutôt bien.